J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute oui façon. Oui! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le numéro 14 de mémoire. Un épisode un peu particulier. Alors déjà, Adrien n'est pas encore là, car il est en retard. Et c'est un manque de respect envers vous, auditeurs. Et envers nous, surtout, envers vous, envers le public, envers peut-être la France en général pour moi, mais... Malheureusement, il n'est pas là, on va essayer de l'appeler. Mais avant toute chose, petit tour de table, parce que je ne suis pas seul, je suis plutôt bien accompagné. Je suis avec Éléonore Coste. Oui, oh, bonjour. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. J'ai Vanessa en face, ça va être l'enfer. Je sais que tu connais les moments de malaise et tout, tu sais. Éléonore, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je m'appelle Éléonore Coste. Et il se présentait, tu veux dire, d'un point de vue professionnel physique, ou d'un point uniquement. De vue non, juste 95C. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Voilà, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, comment ils pourraient te connaître? Eh bien, j'ai officié chez Golden Moustache pendant quelques années. Je suis auteur et je suis comédienne. Nous sommes également avec Clara Le Sage. Bravo! Clara, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis Clara et du coup, je fais de la production, anciennement chez Studio Bagel et actuellement chez Ninja et Associés pour Crac Crac, entre autres. Voilà. Et Crac Crac, il en est toujours question puisque nous sommes également avec Vanessa Bria. Vanessa Bria, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je m'appelle donc Vanessa Bria, je suis productrice et je produis donc l'émission Crac Crac sur Canal+, avec Clara Le Sage qui est à ma droite, et entre autres choses, des séries, plein de choses. Écoute, vous étiez déjà venue d'ailleurs, et trois d'ailleurs. On en parlait justement, avec Vanessa en tout cas, il n'y avait pas Clara. Non. Mais avec Vanessa, elle, pour être tout à fait honnête. Ouais, mais non, mais tu commençais, je pense. Je pense pas. Moi, je peux dater. Ah ouais. je peux dater très fort. Non, mais je te le confirme. En tout cas, on était venus il y a 3-4 ans. C'est ça. Ouais. Dans les tout débuts. Mais ouais. Clara et Vanessa, vous étiez venus pour la spéciale Harry Potter. Je préfère le dire et le rappeler, cumule le plus de vues du Floodcast. D'excellentes stats. Voilà. D'excellentes stats sur. Moi, j'ai pas envie de perdre ma place là. Je suis pas là pour parler vite fait. On va pas éteindre ton flambeau, si ça peut te rassurer. On est déjà. Ouais, je crois qu'on est à 80 000 écoutes quand même. Pour nous, c'est énorme. On est pertinente. Pour un podcast qui dure quand même à peu près 8 jours. Oui, on peut le dire. C'est vrai qu'il était long. Il était un peu long. Mais il était magnifique. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon téléphone? Je voulais appeler Adrien Méniel et j'ai perdu mon tel comme tu un sale con. Tu veux utiliser le mien? Oui, bah vas-y, on voit si toujours. C'est moi, il va répondre. Du tac au tac. Il va absolument pas répondre. Maintenant, s'il répond pas, vous allez pouvoir entendre le magnifique répondeur d'Adrien Méniel. Et déjà, est-ce que tu peux enlever ta coque parce que j'ai un petit câble peu relou? Elle est magnifique, magnifique. Je me permets. On va essayer de l'appeler. En fait, faut que vous sachiez que Adrien Méniel est en train de faire du basketball avec des vedettes du cinéma avec français. Pierre Ninet, François Civil. Et Patin Couffin. Et voilà. Et puis Daniel Auteuil aussi. Il y a tout le monde. Et Belmondo. Tu m'en diras tant. Très mauvais en défense, Belmondo. Donc voilà, on va essayer de l'appeler. Je viens de voir la photo que tu as mis. C'est son cul, je crois. C'est le cul d'Adrien que j'ai devant mes yeux. Très beau cul d'ailleurs. Il a un super cul. Ça, c'est vrai. Je vais essayer de l'appeler. Alors attendez, sans niquer vos oreilles. C'est toute une nouvelle technologie que j'ai mis en place. Maintenant, on peut téléphoner aux gens. On peut faire des petits canulars. c'est Black Mirror. Ça marche pas du tout, ça ne capte pas. Je ne capte pas, Eleonore, c'est un fiasco. Moi, je pense que c'est là. Mon téléphone est juste à côté. T'es sûr que c'est... Tiens, envoie mon téléphone. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Adrien Méniel. Je ne peux ou ne souhaite pas répondre pour l'instant. Ne souhaite pas répondre. Je laisse un message. A bientôt. Bon, en tout cas, il est direct. À la fin de votre message, on laisse un message. Si vous souhaitez le modifier, il est direct sur répondeur, sauf qu'il est encore en train de... Oui, Adrien, c'était Florent du Floodcast. Je suis avec Adrien. Pourquoi Adrien? Alors tu dribbles? Alors ça dribble ou pas? Adrien, t'es où? Alors combien de paniers? À 3 points ou à... Bon, je sais pas. Tenté, je trouve ça magnifique. Voilà, donc on t'attend. Je vois que tu m'as envoyé un petit message. Je vais me commander à bouffer. Donc si ça sonne, c'est peut-être ma bouffe. Donc oui, il est à l'hôtel. Hein, c'est-à-dire qu'il le mec, il s'est commandé à bouffer. Il se commande à bouffer et en fait, il calcule le temps. Et souvent, il arrive après sa bouffe. Donc je reçois sa bouffe. On va la bouffer. C'est interdit. Ah ouais, venez, on la bouffe. C'est le petit fil rouge de l'émission. Donc voilà, Adrien va arriver. Mais en même temps, s'il m'envoie un texto, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il doit être, parti. En chemin. Il doit être en chemin. Mais le mec, il dit même pas désolé, je suis en retard et tout. Genre, juste il dit au fait, j'ai commandé à bouffer. Ça, non, mais reçois ma bouffe. Il est un peu franchement. Hein. Il est en train de faire du jumbé Canal Saint-Martin. Je suis... Oui, mais c'est... alors putain, tu m'offres une transition magnifique parce qu'il faut savoir qu'on enregistre en pleine fête de la musique. Ouais. Et du coup, peut-être vous entendrez des trucs parce que, alors je peux pas trop vous dire où est-ce que je vis parce que ça me ferait chier que vous veniez chez moi, même si je vous adore, hein, mais vraiment ça me ferait chier. Déjà, même à moi, t'as envoyé l'adresse, c'est un peu en mode dernière minute. Le truc va s'auto-détruire. Je le dis à personne. 3 secondes après. Mais en je tout cas... dis, envoie-moi les éléments, il me dit. Oui, je le ferai. Entends-vous. J'aime pas trop le donner trop tôt. Donc, et on vit à côté avec Clara, parce qu'on va pas mentir aux gens. Hein, et à côté du McDo. Et oh, ouais, calme-toi, Vanessa. Ouais, calme-toi, c'est mon mec. Ouais, beau gosse. Et donc, on vit à côté d'un McDo un peu particulier, puisque c'est un McDo qui, un soir de fête de la musique, a un DJ. Donc il y a un DJ qui passe la musique et des danseuses. Et des danseuses. Incroyable. Dans un McDo. Donc voilà, donc peut-être vous entendrez un peu de musique. C'est the place to be pour la fête de la musique. Hein. Ah ouais. Voilà, franchement, c'est si ça vous voulez vous éclater, je vous donnerai pas l'adresse mais n'hésitez pas à le trouver. Donc ouais, on va quand même commencer l'émission avec le petit jeu. Alors toi Éléonore, oui, donc quand tu étais, alors faut pas regarder l'écran Éléonore déjà pour commencer. Mais... Ça va, tu triches là, ça va? Moi j'adore tricher. Bah, malade. Mais du coup, on a un petit jeu où on pose des questions sur l'actualité et il faut trouver les réponses. Mais c'est d'actualité un peu insolite, non. N'est-ce moi, pas moi, c'est sûr, j'y arriverai pas. Et maintenant, alors j'ai fait l'acquisition d'un câble qui permet de lancer des trucs, donc j'ai fait des jingles. Ouais, donc autant vous dire qu'ils sont dégueulasses, qu'ils saturent et que peut-être j'arriverai pas à les lancer bien. D'accord ? On est bien ou pas ? Allez, c'est parti, premier jingle. À aucun moment vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère. Première question à monsieur Philippe Corti. Première question, fait divers. Savez-vous quel drame a touché la famille de Meghan Markle? Est-ce que déjà vous voyez qui est Meghan Markle? Absolument. L'Angleterre. C'est la fille. C'est la princesse. Ouais. C'est la princesse, ouais. Meghan Markle. C'est l'américaine. L'actrice. Absolument, l'actrice. L'actrice. Donc ouais, elle a fait sublime. Un. Sa famille a vécu un drame un peu insolite. Connaissez-vous? Alors, je peux vous le dire déjà, ça concerne son grand-père maternel. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Je devrais le savoir. Avec tous les voici et tous les closers que j'achète, je comprends pas. Mais je suis sur closermag.fr. Allez, bonne source. Tout les bonnes sources. Bonnes sources. Bon c'est intéressant. Les bonnes sources. Non, ce qui lui est arrivé, c'était en 2011. Mais c'est ressorti là en ce moment, je ne sais pour quelle raison. Grand-père maternel. Alors, je peux vous dire déjà, c'est. Ça a sonné. Ah, c'est la alors, soit c'est la bouffe, soit c'est Adrien. Alors, soit c'est la bouffe, soit c'est Adrien. Si c'est Adrien. Attendez-moi. En attendant, on peut bien sûr faire un concours d'imitation. Éléonore. Ah. Allô, ouais, ça va et toi? C'est qui? T'imitais qui? C'était qui? Mais Lolo. T'es complètement torché maintenant. Mais c'était l'imitation de quoi? C'était quoi? Bah d'une personne dans le métro. Ah oui. Bah alors les probabilités qu'on trouve étaient Mais une personne dans le métro qui dit ah, bonjour. D'accord. Allô, ça va et toi? Ah oui, d'accord. Moi j'ai une imitation que je sais bien faire. Ah vas-y. Je m'excuse, hein, je fais un petit non, travers. Joli. Mais c'est une seule phrase d'une seule chanson. Et c'est mon homonyme, c'est Vanessa Paradis. Ah. Et je le fais très très bien. Oui, écoutez vrai. Bien. Pas de pression, mais je coupe tous les micros. Alors. Oh mambo mambo, embouteillage. Voilà, c'est tout. Tu le fais hyper bien. C'est bien fait, non? Il y a Éléonore qui a bugué. Il y a tellement de gêne autour de cette table. Éléonore, j'ai envie de disparaître. Elle a bugué avec le verre en l'air. Et alors, si vous voulez beaucoup rire, je suis désolé, je le grille un peu, mais il y a Jonathan Cohen qui a fait une émission de C'est à vous, où à un moment, il ressort un peu un dos, un espèce de vieux truc qui est un peu honteux, et il a exactement cette réaction, c'est-à-dire qu'il va pour boire son verre et il se fige dans le temps comme ça, et le verre reste en l'air. Ça ressonne, parce que la première sonnette est évidemment la nourriture d'Adrien Méniel. La bouffe d'un invité qui vient la semaine prochaine. Mais je pense que là, c'est l'excellent Ménielos. Oh oui! Ah, c'est Adrien Méniel! Alors bon. Oui, bon, on va pas tout arrêter parce qu'il arrive. Alors, vu que j'ai un appartement, qui est égal à mon revenu mensuel, il met un peu de temps à venir car l'appartement est grand. Ça va, Adrien? Très bien. Ce début est un peu plat pour le moment. Ah, on va le dire. Hein? Je vous entends rire. Parce qu'on adore se marier. Ça va, Adrien? Ça va, je voudrais juste rétablir quoi? Que j'ai entendu sur le message de répondeur que vous m'avez je t'en supplie, alors dis-le dans le micro parce que sinon les gens. Sinon, il y avait Léonore qui avait une imitation de quelqu'un dans le métro, elle peut t'en faire part parce que. Attention, concentre-toi. Ouais, c'est ma nourriture là. Oui. Concentre-toi, Léonore. Bah oui, mais il m'écoute pas. Si, il t'écoute, rien. Vas-y. Mais quelqu'un. Bon, vas-y. Quelqu'un dans le métro. Ouais. Allô, ça va et toi? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça va. Pas mal. Moi, je donc comprends pas pourquoi je me suis fait juger alors que c'est incroyable. Toi, nous c'était sommes super, avec Vanessa. Adrien Méniel. Oui. Ça alors, va, Adrien? Ça va. Alors, je t'ai entendu dire oui. Alors, souvent, sa nourriture arrive avant lui. C'est vrai. C'est faux. J'ai jamais commandé avant de venir. Je commande toujours. Donc, c'est mais faux. Mais la nourriture est déjà. J'ai déjà réceptionné ta bouffe. Non. Si, quand je vivais encore dans le 15e. Oui, non, mais là, on parle d'ici maintenant. Ah oui, non, mais d'accord. Bon, Adrien. Il se présente pas, lui? Bon, les gens le connaissent maintenant. C'est le co-host de l'émission. J'ai une bouteille en verre de Coca. Eh ben, on se mouche pas. Ah, avec c'est marrant, t'as pas les yeux Enfin, t'es pas comme d'habitude. Ah, allez. J'ai les yeux bleus d'habitude, c'est ça, Léonore. J'ai Adrien, jamais eu les yeux bleus. Mais non. Vous pouvez lui dire que j'ai jamais eu les yeux bleus. Les yeux quelle couleur? Ils sont noisettes. Non, ils sont pas noisettes. Noisettes, c'est-à-dire vert et marron. Ils sont tellement noisettes qu'un petit écureuil s'en régalerait. Il a les yeux de la romance. Mais oui, tout simplement. Ouais, les yeux de la baise. Oh, un baiser. Adrien, le grand-père de Meghan Markle est mort d'une façon insolite. Sais-tu laquelle? De qui? Meghan est mort. Oui, de Meghan Markle. C'est qui Meghan Markle? C'est la princesse. C'est quoi? T'as dit il lui est arrivé quelque chose. Ah oui, un truc tragique. T'as un truc. Il est mort. Je crois qu'il a bouqué dans ça. T'avais pas dit qu'il était mort? Non, t'as pas dit. Il est mort, bah je vous le dis. Il est mort, je vous le dis. Donc de quelle façon il est mort? Quoi, il est mort? Non, pas branlette. Asphyxiation auto-érotique. Non, pas du tout. C'est causé par un animal. Un petit animal? Un raccoon? Pas un raccoon, un petit animal. Genre qui rentre dans le corps? Ah, quoi que je dis ça, peut-être c'est un gros animal. C'est un une race dans le cul. Qui fait que. Non, mais comment, qui elle fait est sensible. Qu'il y a des petits et des gros. Ouais. Okay. Il y a les petits et les gros. Chien, un chien. Exactement. Il s'est fait bouffer par un chien? Non, pas bouffer. Il s'est fait renverser par un chien? Pas vraiment. Il a chopé la rage d'un chien? Non, t'étais plus près, Adrien. Il s'est fait pousser par un chien d'une falaise. Mais un chien un petit peu vicieux, quoi. Un peu prankeur. En fait, il s'est fait enrouler par son chien avec la laisse, qui arrive souvent hein, quand on traîne un chien dans la rue. Non, sinon ce serait un chien très haut, sinon pour les trois. Ouais, mais ça existe. Hein. C'est un cheval en laisse. Ça existe. Non, il s'est enroulé autour de lui, et du coup, il a trébuché, et il s'est viandé la gueule, comme on dit chez moi. Et son crâne s'est étalé sur le trottoir, et il est resté dans le coma quelques jours avant de crever. Je mange. Adrien, d'ailleurs, je suis désolé. Ça a l'air bon cette petite salade de lentilles. C'est vrai que ça a l'air délicieux. Ça l'est. Non, mais c'est vrai que ça a l'air excellent. Adrien, parce que du coup, j'ai pas pu te le faire écouter, t'étais en retard, les auditeurs l'ont déjà écouté. Je pense qu'en même temps, ça leur fera plaisir de le réentendre. J'ai fait des petits jingles parce que j'ai séparé en fait les questions en thèmes. Donc je te fais écouter. Là, c'était le thème fait divers. Donc j'ai fait un petit jingle. À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère. Je voulais vous dire que l'instru s'appelle 300% Machina. La Machina. Le DJ Sismica. Voilà. Donc si vous aviez eu une 308 avec d'excellentes enceintes, vous connaissez peut-être. Je connais très bien la Machina. Deuxième question. La Belgique a renoncé à fêter un anniversaire. À votre avis, lequel? La frite. Tu sais, ils font des frites tout le temps. Ah, tout le temps. C'est vrai qu'ils adorent faire des frites, les mecs. C'était l'anniversaire de quelque chose, un truc assez récent. Hein. Un événement. C'est pas un anniversaire genre historique. De leur défaite à la Coupe du Monde. Oh, Vous êtes mauvais joueur, les Belges. Eh, on déconne, les Belges. Prenez pas la frite. C'est terrible parce que je suis même pas au courant de cette donnée. Ah. En gros, non. Ils ont perdu contre la France et ils ont eu le seum. Genre, oui, c'était pas du football. Moi, je suis au courant, je sais pas si je suis comme Elvis. Non, ils ont dit comment? C'est l'accent belge, je fais pas bien. Je suis content parce qu'on est vraiment devenus les grosses têtes maintenant. On fait des accents belges et tout. C'est quelqu'un? Enfin, c'est pour quelqu'un. Oui, c'est l'anniversaire vis-à-vis de quelqu'un de très connu. Ah, donc pas un événement, donc. Oui. Si, un événement. C'est Johnny? Non, c'est pas par rapport à attends, Johnny. Mais l'anniversaire de la mort de quelqu'un? Virginie Efira. Oui, ah bah non, non. Mais attends, est-ce qu'on peut redire parce que j'ai oublié, mais c'est. En fait, un anniversaire ou on le défait? La Belgique allait fêter un anniversaire, mais là, par rapport à l'actualité récente, elle a dû annuler. Donc, alors, ce qui est juste, c'est. Tu disais Johnny Hallyday, Vanessa. On est dans le milieu du spectacle. D'accord. Adrien disait la mort de quelqu'un. Et bah, Jacques Brel. Non. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne est problématique? Elle l'est devenue récemment. Ok. Ah, un Belge? C'est du tout belge. Ah bon? Non. Alors, il fêtait l'anniversaire, mais de. La mort, un anniversaire un peu particulier. C'était les 10 ans de la mort de quelqu'un. Là, bientôt, autour de la date. Et on a découvert que. Pédophile un peu. Ah, t'es pas loin? Ah. Enfin, t'es même à fond dedans. Ah bah enfin, c'est pas le... un mec qui a écrit alors... Bah non, mais c'est pas le bah, non, pédophile mort il y a 10 ans. Bah c'est Michael Jackson. Mais oui, Michael Jackson. Il y a pas de preuve, ok. En gros, ils avaient prévu de revêtir le mannequin piece avec un costume de Michael Jackson. Oh, et ils se sont dit, oh, peut-être mauvais goût du coup. Un enfant qui a la bite à la main. Exactement. Ah, du coup, pas top. C'est exactement où je voulais en venir. Pas fou pour le tourisme. Oui. Ils se sont dit, ah, peut-être là il y a des photos qui vont être un peu gênantes. Michael, coup... range ta frite. Oh. Ils ont juste du coup fait une statue de Michael Jackson en dessous qui se fait pisser sur le visage par l'enfant. Nouvelle catégorie de questions qui s'appelle Pour moi, c'est Black Mirror. Ah oui. Pour moi, c'est Black Mirror. Black Mirror. Mais c'est Michael Jackson. C'est Black Mirror. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est Black Mirror. Merde, attendez, j'ai niqué mon micro. C'est Black Mirror. Dans la catégorie Pour moi, c'est Black Mirror. Je suis très content de ce running gag d'ailleurs. Ouais. Les gens qui nous envoient. Ouais. Il prend bien, n'hésitez jamais à continuer. Le but étant qu'évidemment que Netflix nous envoie de l'argent. Un jeu de société va vivre une ressortie et être amélioré. Pouvez-vous me dire le jeu et comment il va être amélioré? Monopoly. Je vous rappelle que dans la catégorie c'est Black Mirror. C'est Monopoly. Ah, c'est Monopoly. Vas-y, donne ta version. Ah, mais, c'est Monopoly. Mais il y aura des vrais. Ils vont jouer avec des vraies maisons, c'est des vrais agents immobiliers et ils vont vraiment acheter la rue. Tu peux de perdre la paix. Ta maison pour de vrai. Ouais. Alors, c'est non, pas avec ça. Des vrais noms d'entreprises qui ont un monopole. Non. Apple. Avec des bitcoins. Non. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, non. Mais c'est pas ça. C'est même plutôt décevant vu les idées que vous trouvez. Alors, donc c'est Monopoly. C'est Monopoly. Okay, donc c'est Monopoly. C'est Monopoly, c'est Black Mirror. Je déteste ce jeu de Monopoly, ça m'en rend. À tes yeux, Adrien. À mes yeux, c'est Black Mirror. Ouais, voilà, non, c'est... je le finis jamais, moi. Un des pions. Hein, je crois que c'est le principe du Monopoly, personne ne finit une partie. Ouais. Ah, c'est tellement chiant. C'est chiant, c'est long. Un des comme pions cette sera. Qui est longue. Un des pions sera Squeezie. Est-ce que c'est les pions? Non, c'est pas les pions, mais il y a un truc ajouté au jeu qui n'était pas là jusque-là. Ah, ça doit être des petits. La prison? La casse prison? Non, elle y a toujours été, la casse prison. Un truc qui n'était pas là jusque-là. Ah, la casse clochard? Non, pas. Tu peux payer en PayPal. Il y a PayPal et tout qui rentre en jeu? Non. La case Macron? Oh, excusez-nous le gouvernement, mais on dira pas pardon. Non, il y a un truc. Je vous le dis. Ah non! Non, bah quoi? On va trouver. Un truc qui nécessite des piles. Bon indice. Une machine à cartes. Non. Un vibromasseur. Ah oui, ça existe déjà. Mais dans le Monopoly, Eleonore, à quoi servirait le vibromasseur? À se faire enculer par les banques. Par le gouvernement, ouais. Attends, le but du Monopoly, c'est bien d'acheter des rues. Oui, un truc qui marche avec des piles. La très bonne chanson de Zazie. C'est d'acheter des rues et d'investir. Acheter des rues avec un vibro à pile dans le cul. Mais des piles. Non. Un truc qui marche à pile. Oubliez le vibro à pile dans le cul. Ouais, ça marche à pile. Ou peut-être à batterie d'ailleurs, je dis ça. Mais en tout cas, c'est un truc électronique vendu avec un truc qui n'avait jamais été là jusqu'ici. Ah, mais tu peux jouer en réseau sur tes ordi. Non. Tu peux payer avec Monéo? Non. Oubliez de payer avec une autre façon. Okay. Parce que c'est pas ça, sinon ce serait vraiment horrible. Attends, juste, j'ai pas compris. C'est. Il va y avoir un appareil fourni avec le jeu qui marche c'est avec les ça. Piles. Ou alors c'est. D'accord. C'est okay. Ça. À partir du 1er juillet aux États-Unis, Hasbro a fait entrer son jeu dans l'ère des. Quelque chose. Et effectivement, il va y avoir un chapeau haute forme qui va être là et qui va aider nos amis joueurs. Mais je vous rappelle qu'on est c'est Black Mirror. Ah bah on a le petit perso animé. Bah t'es pas loin, c'est pas un vraiment ça. Un petit robot c'est qui joue. C'est pas loin, c'est un petit robot. En fait, c'est le Monopoly Voice Banking. Et en gros, il va y avoir une, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, un espèce de robot au milieu du plateau qui lancera des phrases en sachant ce qui se passe. Je me vomis dessus. En sachant ce qui se passe pendant le jeu et qui lancera par exemple des « Vous êtes ruinés !» en hurlant et en vous disant « Vous allez en prison !» Ça, ça va finir très vite par la fenêtre. Vraiment, voilà. sans ce bonhomme, on va continuer à jouer... Voilà, en piochant dans la banque, comme ouais. absolument tout le monde. Arrêtons de jouer à ce jeu, même. Mais qui joue à... c'est quand ils ont inventé la bonne paye en se disant mais c'est encore plus. Allez. Non, mais tu payes tes impôts, tu payes des factures et genre c'est hyper divertissant. Je déteste les jeux de société. C'est mieux la bonne paye parce qu'il y a une fin. Je déteste c'est l'enfer. La bonne paye, c'est vrai qu'il y a une casse fin. Oui, oui, tu peux mais en même temps, c'est une casse fin comme le jeu de loi relou. Tu fais genre, si tu fais pas le bon chiffre, tu recules. Enfin, c'est un enfer. C'est pour moi. Ouais, mais là, t'es déjà petit, t'hypothèques déjà tes maisons et tout. Enfin, moi, c'était un calvaire. Mon père, il était en mode genre, peut-être que tu peux emprunter à la banque. Mais je vais aller dans ma chambre, enfin c'est horrible ce qui se passe. On a fait une, enfin il y a une étude australienne qui a fait une découverte. Allez, donc je vous demande quelle transformation physique a été observée par cette étude sur l'addiction des jeunes au portable. Alors, c'est la ride dans le cou déjà. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Dans le c'est quoi, c'est quoi? C'est la fameuse ride qui a apparu sur le cou. La ride du cou. Ouais. Alors, parce qu'on se penche en regardant. Alors, bon, vous êtes pas loin, mais c'est pas ton téléphone comme ça, les followers qui s'accumulent. C'est pas vraiment le coup, en vérité. Mais j'ai envie de vous le donner parce que c'est ça, hein, c'est en se baissant. C'est en gros, c'est à force de se baisser, les jeunes ont une déformation et ont ce qu'on appelle une corne dans la nuque. En tout cas, c'est ce que dit. Cette étude australienne. C'est faux. Ce sont des recherches un peu mécaniques qui estiment que ces jeunes adultes ont commencé à développer des pointes. Mais c'est comme la queue de porc qu'on est censé avoir là dans pas longtemps. C'est quoi la queue de porc? Bah si, on est censé avoir là. Queue de porc qui est le. Une espèce de queue qui sort du dos parce qu'on revient, un truc comme ça. Et bah déconner, j'ai eu une histoire à la rentrée avec un mec qui l'avait. Et d'ailleurs j'étais très surprise, un petit moment sympa, tu vois. Et d'un coup il prend ma main, il fait regarde, tu veux que je te montre un truc trop cool? Tu veux toucher ma queue de porc? Et là il me met la main dessus et il avait une queue quoi. Mais c'est le coccyx qui est long quoi. Éléonore, ça porte bonheur en vrai, donc normalement c'est le prolongement de la colonne vertébrale. Ouais, c'est le prolongement de la colonne vertébrale. Oui, bah c'est le coccyx quoi. C'est le coccyx qui est long. Dépasse, mais c'est de l'os ou c'est de la peau? C'est de l'os, c'est mais de apparemment l'os. Ça va sortir. C'est voué à sortir plus. Mais c'est comme à mon genre nos petits enfants, tu vois. Mais pourquoi? Mais j'en sais rien moi. Bon bah n'importe quoi. En tout cas, les médecins alarmaient déjà des conséquences de la maladie du tech-neck. Celle-ci est également liée à la position de votre cou lors de la consultation prolongée d'un smartphone. Tu pourras couper le truc du mec parce que. Ouais, je mettrais un petit bip, un truc. Elle cause des douleurs cervicales et des maux de tête. Encore une bonne raison de garder la tête haute et de couper ses téléphones. Je suis désolé, encore une fois, Adrien, je l'ai dit aux gens, mais il y a un fond musical car c'est la fête de la musique. Moi, j'ai vu en arrivant. T'as des danseuses ouais. Génial, hein. Hyper bien. Une Corée ouais. au poil. Pas piquer des verres. On passe à la nouvelle catégorie qui s'intitule La baise, c'est cool. C'est génial la baise, oui c'est génial la baise. C'est vrai que c'est génial. La baise, oui c'est génial, c'est vraiment génial la baise. La gueule génial. De Clara qui se dit putain, mais quand est-ce qu'il a fait ça? On dirait c'est quand qu'il a fait ça. Qui font les jingles, c'est génial. J'ai adoré découvrir ce groupe. C'est Emir Kusturica à la musique qui est venu faire la zik chez nous. Ultra sympa le mec. Il adore le floodcast. Il adore le floodcast. Il préfère le floodcast que prendre des douches. Au Royaume-Uni, le Royaume-Uni travaille à faire passer une loi qu'ils essaient de faire passer maintenant depuis des années et qui va être encore repoussée à cause du Brexit. Savez-vous laquelle? Je vous rappelle que dans la catégorie la baise, c'est cool. Alors, tu peux redire? Et en fait, au Royaume-Uni, ça fait des années qu'ils essaient de faire passer une loi. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Ça fait des années qu'elle n'arrive pas à passer. Et là, alors qu'elle allait passer, le fait que le Brexit va être voté, enfin, le fait que le Brexit, pardon, va être repoussé. Repousse la loi également parce qu'en fait ça passe dans les conditions européennes encore et donc du coup ils n'ont pas le choix de faire voter cette loi, mais si le Brexit passe ils pourront faire voter cette loi. À votre avis, quelle est cette loi sur l'amour? Sur la baise. La baise, calmos. Le droit de baiser des gosses. Je sais pas. Et bien joué Adrien, effectivement on pourra enculer un môme bientôt en Angleterre. Enculer un môme en Angleterre qui est un album de Calogero d'ailleurs. Est-ce que c'est un truc d'importation de produits sexuels? Non. Je resserre un peu. Un truc sur la prostitution? Non, c'est sur le web. C'est la consommation de porno. Ah. Je peux pas vous dire. Des, ah sur, bon des, sur des sites. Sur des sites porno. Ah, parce que c'est réglementé par. Attends, je devrais... Ah, bah YouPorn, c'est un truc gratuit. Alors, c'est pas ça, mais vous vous approchez tout doucement. Non, mais je crois qu'en Angleterre, c'est vachement. Ah, c'est pas les, le blocage des sites porno par les fournisseurs d'accès ? En gros, c'est ça, mais c'est plus précis, c'est-à-dire que il sera impossible de regarder du porno sans te connecter à un site. C'est-à-dire que tu seras obligé de créer un compte, inscrit. De créer un compte pour accéder à des sites porno. L'Angleterre disant que c'est pour vérifier l'âge, pour être sûr que voilà validation par mail et tout. Le problème que ça pose, c'est que la vérification obligatoire de l'âge pose de sérieux problèmes de vie privée auxquels la loi ne répond pas. Les sites web porno pourraient recueillir des détails exacts d'identité sur leurs utilisateurs, ce qui créera des opportunités commerciales évidentes pour eux-mêmes et pourrait les mettre dans des conditions, des trucs un peu gênants, de on te conseille des trucs porno très précis et voilà. Les associations comme l'Open Right Group préfèrent dire attention sur les collectes de données personnelles. Donc voilà. Donc pour le moment, tous les aficionados et aficionadas de porno, oui, je vous conseille de vous abonner à un site de la réalisatrice Erika Lust. Ah, qu'est-ce qui fait du porno féministe. Ouais. C'est vraiment éthique. Enfin, c'est une de celles qui en fait. Il y a aussi Olympe de G en France pour le porno audio. Voilà. Et c'est du très bon porno. De l'excellent porno. Et alors en quoi c'est féministe ? Eh bah, ben, c'est le plaisir de la femme est assez bien mis en avant. Les femmes sont jamais maltraitées. C'est choisi. C'est des fois, elles aiment bien être maltraitées. Oui, oui, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. C'est des rapports qui le consentement est vraiment très clair mis en avant. Les rapports de domination sont aussi validés en amont. Et je pense les plans sur les hommes aussi, enfin tu vois, on voit mieux leur cul, on voit mieux leur bite, on voit beaucoup de plans sur les orgasmes, beaucoup de plans masculins et féminins, mais sur la tête des gens en fait. Donc, mais alors, du coup, moi ça j'aime bien. C'était pas sur un gros plan en fait pendant 2-3 minutes, tu vois, t'as plus de large, c'est joli même la façon dont c'est filmé. Tu vois la chatte et tu vois les nibards aussi en même temps. Ouais, voilà. Parce que souvent c'est des gros plans quoi. Ouais. Tu dis, mais élargis. Bah oui. On veut voir plus. Ah, t'as bien raison. Ah bah c'est bien, c'est un féministe, ça j'aime bien. En parlant de porno et de femmes, femmes hétérosexuelles en l'occurrence ici, puisque une étude sur les femmes hétérosexuelles et leur rapport au porno a tenu à prouver quelque chose d'édifiant selon vous. Quoi? Pendant qu'on reprend Wonderwall en bas de chez moi, tranquillement. Un rapport édifiant sur les femmes hétérosexuelles et leur relation au porno. Elle cherche des vidéos d'hommes cocus. Non. Mais c'est très précis. C'est vraiment un mot-clé très. Ah oui, cuckold. Cold. Calls, par contre. Oui, Timothée Hochet, on salue. Gros consommateur de porno. Ah ouais, tout le monde le sait. Un des plus beaux. Très bon masturbeur. Ça a été publié dans le Journal of Women's Health. Okay. Voilà, la Virginia Commonwealth University. C'est le mot édifiant qui est. Non, en gros, c'est pas vraiment sur la façon de consommer, mais sur ce que ça change dans leur vie au quotidien. De regarder du porno. Ouais, de consommer du porno. Bah c'est. Alors c'est. Elles baissent moins que leur mari. T'as moins. Elles baissent tout le temps. Plus la masturbation. Bah non, c'est ça. C'est en fait, elles auraient beaucoup moins envie de faire l'amour. C'est une recherche qui a été basée sur l'appel de 706 femmes hétérosexuelles aux États-Unis. En gros, l'étude va quelque part. Elle voit les mecs qui baissent bien, ils font ah ouais merde. Cette étude nous apprend que les femmes hétérosexuelles ayant l'âge d'être à l'université sont plus susceptibles de regarder du porno que par le passé, mais elles sont aussi plus nombreuses à ne pas se sentir en sécurité lors de l'acte. En gros, l'étude dit que en regardant ce porno, donc on est complètement dans la ligne de ce que vous disiez, elles se sentent pas en sécurité de faire l'amour en voyant des pornos souvent vénères, et donc du coup elles auraient moins envie de faire l'amour. En tout cas, c'est ce que dit ce rapport. Oui, voilà. Mais non. Quand même, tu tombes pas par hasard sur des trucs hyper vénères, quoi. Bah, je sais pas si c'est hyper vénère, mais c'est peut-être elle. Enfin, en tout cas, voilà, moi je suis pas la Virginia West of Cool, hein, je vous répète tel quel. Hein. Je vous rappelle que toutes ces sources ne sont pas vérifiées, hein, de toute façon. Je rappelle qu'au début c'était voici.fr. C'était closerman.com. Un tout petit peu de respect. On passe maintenant à T'es fou le monde. T'es fou le monde. Je l'attendais. Mais non, tu vas pas bien. T'es fou le monde. Je n'y comprends plus rien. T'es fou le monde. T'es complètement siphonné du bocal. Oui, t'es fou le monde. Alors c'est si. Mais avant, il y avait. Tu fais ça sans les jingles avant, en fait. Non, je sais pas. Ah oui. Je tente des trucs, j'ai investi dans du matos, alors je tente, hein, qu'est-ce que tu veux. Ça s'amuse bien. Une... On adore ce clip. Hein. Que faire la radio flamande Q Music à partir du 24 juin? Elle va essayer d'établir un record, à votre avis, lequel? La plus longue émission. Non. De faire un flamand chanson. Ça, c'est Coé qui l'a dit. T'as dit flamand Q Flamande, pardon. Oui, non, c'est la radio flamande Q Music. Q. Q. Q. Mais c'est pas. C'est pas. Du cul, oui, c'est la flamande Q. Okay. Q c'est quoi, non, c'est rien faire avec la famille Q. Ouais. Le plus long jam ever? Non. Plus long en mais gaz. T'es pas loin. Quoi? Bah, Q. Non, ah non, Q, non, la lettre Q est une lettre genre que ça pourrait être Quimper. C'est Calabès, celle-là. Non, c'est la lettre Q. En gros, c'est une diffusion en boucle de quelque chose et ils veulent battre un record. Alors, ah! Qu'a dit quoi? Rick Astley, Never Gonna Give You. Non, mais c'est une chanson. Alors, c'est flamand. Alors, ah, ok. Parce que j'allais dire, j'ai une anecdote. Une chanson flamande. Une chanson flamande. Ah, non, mais pensez. Toto Africa. Non. Ah, ça, j'ai entendu ça. Je raconte juste un petit truc. Vas-y. Vous auriez pu faire ça. Quand on allait au Burning Man il y a 2 ans, il y avait un des camps du Burning Man où en fait leur activité, quand tu proposes un truc, c'était de passer en boucle toute la nuit, all night long. Et donc dès que tu passais, pendant 8 jours, ils passaient all night long. Adrien est très dubitatif. Mais c'était si drôle. Peut-être parce que j'étais en slip. mais t'es pas loin parce que, effectivement, c'est une chanson répétée, mais pensez. Bah la rime. L'hymne flamand. Non. Pensez, c'est une chanson assez festive et européenne. Ah. Voire plutôt française. Ramener la coupe à la maison? Non. Non. Attends, c'est. Putain. Chanson française. Tata Yoyo. Non. Mais t'es dans la bonne génération. Elle est belge, Anne Cordy. C'est vrai. Mais ne pense pas l'hymne belge. L'hymne à la joie, c'est l'hymne de l'Europe, non? Non. Non, non, c'est une chanson connue, française. Ah, Guetta? Française, putain. Non, c'est pas Guetta. Il y a de la joie. La vie en rose? Non, c'est à l'ancienne. Emmenez-moi. Alors plus récent. Le lac du Connemara. Oui, très joué. Alors la chaîne allemande Q Music va diffuser non-stop les lacs du Connemara du 24 au 28 juin. Mais ils vont faire des paquitos? Parce que moi dans mon village on fait des paquitos sur les lacs du Connemara. Ouais. Bah écoute, là ils ont pas dit, c'est juste ils vont la passer en boucle pendant 4 jours et battre le record du monde de la plus longue diffusion d'une chanson en règle générale, hein, pas que du lac du Connemara. C'est la pire chanson de ma vie. Ah je pense. C'est même tout vraiment. Le contraire. En fait, Q Music a une émission un peu particulière qui consiste à passer que de la mauvaise musique, en tout cas à leur goût. Et les lacs du Connemara est numéro 1 dans leur cœur. Donc du coup ils vont passer les lacs du Connemara pendant 4 jours. Donc si vous passez en Belgique, n'hésitez pas à jeter une oreille. On passe maintenant à la dernière catégorie déjà, qui s'intitule « Nos amis, les animaux ». Oui, ce sont nos amis, les animaux, nos amis. Nos amis, les animaux. Il y en a une un peu facile, je pense que vous l'avez vu passer, une un peu plus difficile. Qu'a organisé le studio Universal pour la sortie de « Comme des bêtes 2 » Ah bah c'est pas le truc avec Natou, ouais. Je l'ai vu. Ouais, ouais, l'avant-première avec, où tu avec peux tous les chiens. Effectivement, ils ont ça fait. Ça devait être un fiasco. Là. Alors justement, tu devais rien entendre du film. Ils ont invité des animaux, particulièrement des animaux d'influenceurs, à aller voir le film Comme des bêtes 2. 70 animaux au cinéma, principalement des chiens, mais il y a aussi eu des chats, un perroquet apparemment. C'est bien parce que les chiens, ils sont contents d'être là, quoi. Avec du bruit très fort et tout, c'est cool pour eux. 70 pendant une heure et demie, enfermés dans une salle. Dans le noir. Il y a un air de sarcasme, j'ai l'impression. Absolument, je suis beaucoup la sarcasme. T'étais invité ou pas? Non. Bah, l'influence d'Adrien. Bah, non, mais il aurait pu décliner. Non, mais. On m'en propose, les OP, je les refuse. Hein. C'est pas que... Non, mais là, je me disais sur Comme des bêtes. Après, Francky est talent du web, on peut le rappeler quand même, elle a son compte Insta. Ah oui, Francky a un compte Insta. Il y avait donc Philippe Lachaud et toute la bande à Fifi qui faisait des voix. Mmh. Et apparemment, ça n'a pas été un fiasco parce qu'apparemment, les animaux se sont bien tenus pendant la séance. En revanche, le Max Linder regrette d'avoir organisé cette avant-première. Énormément de merde et de pisse. Ah, du pisse. Bah, ils disent partout. Pas, mais ils ont foutu des tapis partout. Et surtout, en fait, même si en ce moment c'est l'été et qu'il fait très chaud, l'avant-première a eu lieu un soir où il y a beaucoup plu avant, ce qui fait qu'il y avait que des chiens mouillés et qu'apparemment ça puait l'enfer, tout simplement. Putain. Donc peut-être une idée bof, hein, au final. Bah, mais c'est pas mal, tu dis, c'est vrai qu'au cinéma, ça, enfin, en plus des portables, des gens qui parlent et tout, des chiens, c'est ce qui manquait en fait, des chiens qui aboient pendant une séance. Non mais le concept est nul, ils auraient dû faire genre limite un espèce de photo shoot où tu vois. Ouais. Plus que d'aller regarder un film avec tes chiens. Dans un parc, oui, tu vois. Ça. Diffusion en plein air du film dans Il y aurait eu plus de story, plus sympa avec les chiens, enfin tu vois. Non, après la story, je vois, même si je trouve ça horrible, je vois le côté un peu marrant de mon chien il est sur un siège de cinéma, genre le popcorn était dans des gamelles. tu vois. C'est il y avait du popcorn, Philippe, popcorn, Philippe Lachaud a euthanasié des chiens en direct. Enfin, tu vois, c'est, tout était dans l'ambiance, quoi. Ah, c'est une bonne idée, hein. Quel triste record, quel triste record détient la France cette année. Et là, on va pas se marrer, je préfère vous le dire tout de suite. Le plus grand nombre d'animaux abandon. Laissés à la SPA. Abandon. Ouais. C'est, la France est championne d'Europe des abandons d'animaux. Tralala. Selon la fondation 30 millions d'amis, puisqu'on est à 100 000 animaux abandonnés chaque année. Ça augmente, je crois. Ouais, et 60 000 durant l'été. Donc c'est, moi j'avais toujours vécu en me disant que c'était un espèce de cliché des gens qui abandonnaient leur chien l'été pour les vacances. C'est une triste réalité. 60... Et c'est les gens qui prennent un chien, ils sont contents pendant un an, après ça leur casse les couilles. Ouais, en fait, pendant les vacances, ils savent pas quoi en faire, du coup, ils partent. C'est le palmarès. En vacances, et du coup, ils laissent leur. Il y a plein de trucs maintenant pour garder tes chiens en plus. C'est bah, fou mais de... ça coûte des choux et tout. Ça coûte moins cher que de le laisser sur une autoroute. La présidente de la fondation 30 millions d'amis, Réa Hutin, c'est, dit que c'est le palmarès de la honte. C'est une campagne électrochoc qu'on a voulu lancer. Ça fait 30 ans qu'on dit les mêmes choses chaque été. Il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit. La vidéo en question, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est une reprise de We Are the Champion où des gens abandonnent leurs animaux. Ah, c'est horrible, elle est horrible la pub. Elle est un peu dure, mais en même temps, bon, bah, elle fait le bon effet quoi. Puisque attends, c'est des vraies images? Non, c'est tourné. Et en gros, c'est une version un peu ironique de We Are the Champions où les Français abandonnent leurs animaux. Tout simplement. Adopter les animaux. Oui, voilà, exactement. Tu me voles ma transition, parce que j'allais dire. Enfin, ici, on est plutôt pro SPA et associations et trucs comme ça. Si vous voulez des animaux de compagnie, il y a des. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'animaux qui attendent. Et c'est. Il faut arrêter avec ce cliché des animaux violents parce qu'ils sont en SPA et vous arriverez jamais à les dresser. Au contraire, en fait, c'est même plutôt. Enfin, Adrien, toi, tu as un animal que tu as adopté et il n'y a aucun problème, quoi. Bah. Ça dépend. Oui, en SPA, il y a des animaux qui ont été traumatisés parce qu'ils ont eu un passé. Mais il y a aussi plein d'animaux qui sont. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est pas la roulette russe, quoi. Tu peux demander, je veux un animal. C'est ce qu'on a fait, quoi. Nous, on l'a pas vu avant, mais on a dit. On voudrait un chien qui bouffe pas les meubles, qui aboie pas, etc. Et, bah, c'est le cas, quoi. Donc, et puis il y a tellement d'animaux abandonnés que. Non, voilà. Puis maintenant ils sont assez. Ils arrivent facilement à te trouver un chien qui correspond à ton mode de vie aussi. Bah ils oui, vont, ils vont ils te conseiller en fait. De. Bah non, celui-là va falloir un jardin, celui-là va falloir un autre chien pour l'aider à se rééduquer. Oui, oui, c'est même le but en fait de. Enfin, eux, leur but c'est pas juste de se c'est débarrasser ça. Des chiens, hein, c'est juste de leur trouver. Alors. Pour la petite anecdote, ma sœur, elle est infirmière à domicile et elle a une patiente qui est assez vieille, à mobilité réduite et tout. Et on lui a dit, bah, prenez un chien, ça va vous aider. Et ils lui ont filé un chien qui est horrible, genre qui lui fait, qui fait tomber sa canne, qui est insupportable. Et donc du coup, c'est pire. Un poids en plus pour elle. Bah, écoute, après ce joli message qu'on a délivré, je pense que c'est la chute parfaite. Mais elle l'a gardé. Elle l'a gardé. Ouais. Moi, il y avait un élevage à côté de la maison de mes parents dans notre village. Et je sais plus quelle race de chiens ils élevaient, mais ils étaient clairement très très fachos, puisque les chiens s'appelaient Allemagne, Hitler, Cristal, je te jure. Et ouais, en fait, tous les matins, on entendait genre Allemagne, Allemagne et tout, c'était horrible. Et ma mère, elle conseille Hitler, elle disait là, on peut pas aller plus loin, c'est dégoûté. Et en fait, c'est un vrai chenil, légal, quoi, entre guillemets, mais ça faisait péter des câbles à mes parents. Et du coup, il y a eu tout un truc pour que ça dégage, quoi. Ouais. Enfin, c'était fou, quoi. C'était incroyable. Surréaliste. Mais comment tu peux appeler ton chien Hitler? Allemagne, Hitler. Bah, ou alors c'était des gros déconneurs. Cristal. C'est l'enfer. Ouais. Puis il ressemblait pas du tout en plus, donc c'était ridicule. Et nous, notre chat s'appelait Rafik. Et du coup, clairement, c'était la guerre des. C'était la guerre du voisinage, quoi. La guerre des voisins. Salaud, quoi. Bon, famille chelou, excusez-moi. Sans aucune transition, je vais vous donner des nouvelles du docteur Guigui. Ah oui! Alors, le docteur Guigui. Je vais resituer. Docteur Guigui, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur le web. C'est le pire ophtalmologiste. Ophtalmologue? Je sais jamais. Ophtalmo de France. Il a la pire note sur Google. Et régulièrement, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il est très avide d'argent et du coup, il accepte tous les rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas sur Doctolib, et c'est pour ça qu'il fonctionne, les gens y vont quand ils ont des urgences parce qu'en fait, si vous connaissez pas le site Doctolib, en gros, c'est tu y vas et on te dit, tu essayes de trouver une date le plus vite possible et lui, il est tout le temps disponible. Il est où? Il habite où? Je sais plus où est-ce qu'il est, je crois que c'est dans le 9e, un truc comme ça. Ah oui, il est à Paris. Dans Paris, docteur Alain Guigui. Et si on en parle, c'est parce que du coup, il y a beaucoup d'avis négatifs sur Google et de temps en temps, on se refait une petite salve de kiff pour lire les commentaires. Et comment tu l'as trouvé, ce gars? Je cherchais un ophtalmo Et lui était très dispo. Qui, sauf que moi, et je sais que c'est. Non, parce que moi, je sais que ça pue du cul, un ophtalmo dispo tous les quarts d'heure. Mon frère, en revanche, après rendez-vous, je crois, avec le docteur Guigui. Ah ouais pour son fils, je crois. Oh la vache. Quand ah oui, le fils qui peut plus conduire de voiture, qui a perdu la vue. Ah, c'est ça, tout simplement. Je vous lis quelques petites salves que j'ai trouvées récemment. Alors là, j'ai des petites courtes comme ça. Alors, il s'essuie la bouche, puis me touche l'œil sans se laver les mains. Il ne m'explique pas ce que j'ai, me fait une ordonnance avec des antibiotiques en collyre et en pommade, cortisone à mettre dans les deux yeux alors que l'autre n'a rien, donc il me force à mettre de la cortisone dans les yeux. Ça m'a coûté 90€ et il n'est pas très aimable. Humour graveleux, s'autorise à vous appeler ma puce, lamentable, je suis très en colère, mériterait d'être signalé à l'ordre. Oui ? Ah vraiment, oui, mériterait d'être signalé alors. Comment ce cabinet est encore ouvert, je ne comprends pas. Ce médecin est dangereux. Le cabinet ne devrait même pas être ouvert, ça devrait être interdit. J'ai eu une très mauvaise, on est sur 4 traits, mauvaise expérience. J'étais choqué quand il me dit je vais vous en mettre une là. Le doigt dans le cul. Non, il a dit je vais vous en mettre une. Je vais vous mettre une gifle tout simplement. Je suis sorti du cabinet en pleurant, j'étais à deux doigts de la crise de nerfs. J'ai crié pendant 2 minutes. Alors oui, non, celle-là, c'est la meilleure, je la garde pour la fin. Vous avez 10 sur 10 à la chatte ou quoi? Eh, vous êtes pas myope du cul. C'est une arnaque, je ne comprends même pas comment il peut encore exercer. 96€, 5 minutes d'examen avec une machine. Il ne m'a même pas ausculté. La salle d'attente est dégoûtante, les employés ne sont pas sympas. Et monsieur Guigui est un sadique malade mental qui harcèle les patients. C'est étonnant qu'il n'y ait aucun contrôle sur lui qui l'empêche d'exercer. Je déconseille de le consulter. L'accueil est minable. Le docteur Guigui est un vrai boucher. J'ai envie d'y aller. Non mais moi aussi, j'ai envie d'enregistrer. Venez, on y va. Mais on peut faire un ouais avec un petit zoom. Tu vas y aller. C'est souvent émission. Tu fais ça. Tu fais la chronique sur lui. Je laisse des petits mois passer parce que le temps. Vas-y entre temps. En mode sans aucun doute. J'y suis allé pour une intervention sur un chalazion, je sais pas ce que c'est. Calazion peut-être, une calzone. Je veux dire une calzone. Ça a été une horreur. J'ai souffert le martyr et pourtant je ne suis pas d'une nature douillette. Aucune considération, désagréable à souhait après avoir attendu près d'une heure et demie dans une salle obscure. Je pense même qu'ils avaient oublié que j'étais là. Je ne comprends pas comment il peut encore exercer à vomir. La nain que j'aime bien c'est. Mais il est complètement fou. Il est arrivé avec 45 minutes. C'était malade. Il est arrivé avec 45 minutes de retard. Consultation en 3 minutes. Aucune prescription pour soulager un mal aux yeux et une rougeur, même avec des gouttes. Prend les patients de haut, irrespectueux, un taré. Un taré. Et alors celui-là, bah Lolo, tant que t'es là, tiens, je vais te le faire lire. Il est un petit peu long, mais je t'invite à le faire. Ça va, tu vois que je lise à voix haute. Oui, non, dans ta tête, pour les auditeurs. Opération sans anesthésie. C'était en majuscule. Putain. Cet établissement est une menace pour tout le monde. Cet homme est un malade, incapable d'empathie, dont le comportement va au-delà du spécialiste mécanique. Il est entouré par une équipe toute aussi froide et négligente. J'y suis allée pour faire retirer un chalazion. Petite tumeur dans la paupière qui s'enlève par incision de la paupière après l'avoir anesthésié. Une assistante m'a mis des gouttes en m'indiquant que l'anesthésie viendrait ensuite et que le médecin arrivait dans quelques instants. 25 minutes plus tard, je suis allée aux nouvelles. L'assistante m'a sèchement remise à ma place en m'indiquant qu'il fallait de toute façon 30 minutes pour que les gouttes agissent. Ça aurait été plus simple de le dire avant plutôt que quelques instants. Le docteur Guigui arrive. Il ne répond pas à mon bonjour. S'assoit derrière moi, me balance encore une goutte dans l'œil, me plaque un masque sur le visage. Jour sans rien dire et sans prévenir. Genre sans rien dire, je pense. Ouais. Ouais. Appuie bien sur les joues pour faire coller le masque et attaque. Alors là, celui-là, c'est mon préféré. Après, la suite est préférée. Le docteur m'a découpé la paupière sans anesthésie. Quoi ? En majuscule, c'est écrit en majuscule. Vas-y, je t'en prie. J'ai crié pendant les 2 minutes qu'a duré le carnage. Pendant ce temps, ce foufou. Mais les gens, ils sont cons. Guigui aussi. Le foufou. Me tapotait le visage. La prochaine fois, vous viendrez plus tôt. Ne faites pas votre chochotte. Non, ce n'est pas agréable du tout. Hein ? Au bout de 2 minutes à couper, triturer, tapoter, il arrache le masque et me tourne le dos. J'en profite pour descendre de cette fichue chaise et filer. Le docteur et son assistant sont très surpris par ma mauvaise humeur. Apparemment, il est tout à fait normal de découper les paupières sans anesthésie. Et pourquoi vous prévenir avant de vous plaquer un masque opaque sur le visage? Ah bon, il faut aussi expliquer ce qu'on va vous faire quand on vous ouvre à vif. Et en plus, il faudrait respecter la douleur des gens que l'on découpe. Ne mettez pas les pieds dans cet établissement sinistre. Voilà. Mais on dirait une vanne. Non. Alors, à la base, c'est un chien d'Asie. Mais comment il peut exercer, c'est un orgelet. C'est un gros orgelet, dégueu, quoi. Mais comment il peut exercer? Mais surtout qu'il y a, énormément, énormément d'avis. Et il y a plein de gens qui s'en plaignent, hein, tout simplement. Mais parce que ici on est magnanime. Non, parce qu'un truc comme ça, tu vas dénoncer, quoi. Bah normalement, oui. Le gars, il t'ouvre la paupière sans anesthésie. Non, mais il y a des gens qui... Ouais, non, mais il y a des gens qui aimeraient... Qui aimerait qu'il tombe, hein. Moi je vous mets ouais, que les marrants, mais il y en a vraiment. Mais c'est le problème de ça, un nom, ça, tu sais. Enfin, je sais pas si vous avez ça, vous, mais moi quand je vais chez le médecin, ou enfin, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc où il est supérieur à moi, et des fois je me retrouve dans des situations où vraiment c'est honteux ce qu'ils font. Et tu dis rien parce et que je dis rien dis parce que je me dis que il a fait normal, et là pour mon opération du genou, typiquement ils ont fait une erreur médicale sur le bloc anesthésiste, il a été mal mis, du coup ils m'ont touché les nerfs et j'ai plus de sensibilité dans la cuisse, je sais pas quand ça reviendra, et j'ai très mal. Ah, oh, la vache. Et t'as mal ou t'as plus de sensibilité? Bah en fait j'ai plus de sensibilité, et quand j'ai la sensation que j'ai, c'est une brûlure en permanence, quoi. Donc c'est un peu chiant, tu vois. Et en fait c'est une erreur, mais je m'en rends compte que mon kiné me l'a dit, c'est machin, et moi naïf, hein, tu sais, tu dis rien, tu dis non, mais ah bon, enfin tu sais, tu ah bah ouais. Et je veux dire, pour lui c'est sans doute t'as ce truc de supériorité des médecins. Bah c'est normal, ouais. Les gars ils font 10 ans d'études. Bah c'est ça. Bah oui, mais bon non, mais il y a un truc de genre, tu sais faire ton taf, je te donne ma, j'ai mal. Ouais, mais t'as un truc ouais, où t'oses, c'est pas fou. Quoi, tu as pas osé. Moi, ils avaient voulu me couper la langue, un dentiste, parce que j'ai les, j'ai les dents très écartées, hein, d'aucuns diront que d'ailleurs c'est... j'ai pas de dents presque, hein, tellement qu'elles sont inexistantes. Mais j'étais allée voir un dentiste qui m'avait dit oulala, ces dents c'est un carnage. Bon bah déjà ça fait pas très plaisir. Bah, ce qui met une excellente ambiance. Ouais, et il m'avait dit votre langue touche les dents de devant, et du coup c'est... vous allez avoir les dents à l'horizontale à un moment donné dans votre vie. Non, mais... Et je te jure, et il m'avait dit la seule truc qu'il faut faire, c'est vous couper le bout de la langue. Bah oui, bien oh sûr. Putain. Mais en même temps, je l'ai gardé et j'ai pas la langue dans ma poche. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'imagines les gens qui. Il y a des gens qui ont dû se faire couper le bout de la langue parce qu'ils avaient des dents de merde comme moi. Et parce qu'elles étaient des sorcières. Avec ma soeur, pendant 10 ans, on avait le même gynéco. Et au bout de 10 ans, je sais pas, on parlait de lui. On dit, mais toi aussi, tu fais faire des allers-retours à poil dans le cabinet. Et en fait, on croyait que c'était normal. Et en parlant avec des copines, on s'est rendu compte qu'un gynéco ne devait pas te demander. Des pompes. Des squats à poil. Ouais, tu sais, il nous faisait mettre à poil. Et ensuite, il nous faisait marcher. Alors, et moi, je croyais que c'était pour regarder ma colonne. Et en fait, on va pas être entièrement à poil pour ça. Et en sport, si vous avez une queue de cochon, allez-y. Marchez bien, marchez. Il a arrêté de travailler, rassure-moi. Non, vous l'avez dénoncé. Bah, il est à la retraite maintenant. Ah bon, ok. Ouais. Docteur Morisset. C'est les petits Docteur vieux, Morisset. Ils sont mignons. Morisset. Morisset, le chanteur. Ouais. Mais c'est le problème avec les médecins. On leur fait. Enfin. Bah ouais, parce qu'on les met au-dessus de tout. Après, attention, il y a des très compétents, évidemment. Excusez-moi, parce que là, je vois un fût de vin, alors je mets un peu d'eau, hein, je me permets. Et d'ailleurs, en parlant d'eau dans mon vin, j'ai des bons avis du docteur Guigui, donc je me sens obligé de vous les partager. Comme Francis Le Sage, aucun lien. Aucun. Ok. Qui dit, je ne comprends pas bien ce bashing organisé, sauf à des intérêts avec d'autres ophtalmos. C'est peut-être génial. Un complot. Depuis plus de 10 ans, je suis suivi par ce cabinet organisé, sérieux et professionnel, et c'est ce que l'on demande pour notre santé. Alors, bon, juste pour dire, c'est pas un faux, c'est pas un gars, parce que la dernière fois qu'on avait fait avec Adrien, on s'était rendu compte que souvent c'était des mecs qui avaient un seul avis qu'ils avaient posté et qui avait pas de photo de profil, donc potentiellement c'est Guigui ou ses potes qui se font passer pour. Lui en l'occurrence, il a aussi mis d'autres commentaires sur d'autres trucs. Par exemple, il a noté Dame Tartine de rue Brismiche en disant qu'en terrasse avec des amis on passe un bon moment. Donc voilà, il existe, faut vous rassurer. Il est réel. Et on a eu également comment il s'appelle, alors non, lui je l'ai déjà mis, Francis Le Sage. David Juden qui dit, eh bien moi j'ai pris un rendez-vous pour 17h, il est arrivé à 18h35, mais malgré cette attente tout s'est très bien passé, je suis très content, je m'attendais comme généralement à du retard important, mais non, là ça allait, donc 1h30 hein, quand même. Ouais. Le plus important c'est d'avoir un rendez-vous rapidement et d'être à l'heure, et là moi franchement rien à dire, en plus le personnel était sympa. Ça, c'est le même mec qui, chez gynéco, accepte de se trimballer à poil, de faire des allers-retours et de se prendre les doigts dans le cul. Bah oui, c'est moi, c'est je sens pas. Bah attends. Et c'est un mec qui accepte d'aller chez gynéco déjà. Oui, déjà, oui. J'en ai eu pour mon argent. Et pareil, c'est quelqu'un de vrai puisqu'il a noté le McDonald's de rue de la Liberté à Dijon en disant ouais, concernant la nourriture, c'est bon, hein, du McDo habituel, mais beaucoup de monde et donc service un peu lent. Donc voilà, c'est quelqu'un qui existe. Ah, il est positif. Ouais, il a aussi noté pardon, le musée du cheval de Chantilly. En disant un petit musée qui est consacré au cheval et surtout l'univers des courses, mais il y a un espace pour les démonstrations et ça c'est super. C'est un bon profil psychologique. Il profite. Il aime absolument tout. Ah, il a dit qu'il y avait un peu d'attente quand même au McDo. Donc il est... quand ça va pas, il le dit aussi. Ouais, c'est fast food, pas tant que ça. Hein. Et je suis allé sur société.com pour aller voir la société de Dr Alain Guigui, donc la SELARL. Je connais pas bien C'est l'Arles, c'est l'Arles. La S-A-R-L, tout simplement. Non, écoute, non. Je sais lire des lettres. Non, il y a écrit S-E-L-A-R-L. Excuse-moi, je sais rien. Et sur l'année 2015, cette société réalise un chiffre d'affaires de 4 523 500 euros. Mais non. What ? L'argent. Excusez, on est en train il de... revend les paupières. C'est autant que fusil. Trafic de paupières. Le total du bilan a diminué de 38% entre 2014 et 2015. Ah, ça, c'est Google. Ça. Donc. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que j'y connais rien en société. Il a dû développer une appli mais qu'il a vendu très cher. 4 millions et demi, ça me paraît énorme de recettes, de chiffre d'affaires, pardon. Donc voilà, c'est moi je pense qu'on est en train de lever un loup tout bonnement et que bientôt ça va être repris par Ondelat Raconte qui va nous faire des petits accents et ça va être juste. Donc ouais, 4 millions et demi, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc s'il y a des sociétés, s'il y a des gens experts en SARL qui n'hésitent pas à nous dire si ça veut dire que ils planquent de la thune au Caïman ou un truc comme ça, où ils revendent des paupières. Une société comme écran. L'enquête continue. On passe donc au thème de l'émission qui parle des vacances quotidiennes. Je veux des vacances. Je veux des vacances. Et je veux que ça balance. C'est qui chante? Il s'agit de Vincent Lagaffe. Tiré de l'album bah, où il y a La Zubida, Beau le lavabo. L'album Je suis raciste, mais c'est marrant. Tu crois pas si bien dire parce que la fin de la chanson est terrible. D'ailleurs, j'aimerais juste. Je croyais si bien dire en fait. C'est pas comme si. Je croyais extrêmement bien dire. D'ailleurs, j'aimerais dire un truc à Freddy Gladieux, Squeezie, Keza, toute la bande. Créer un tube de l'été pour se moquer, c'était le Beau le lavabo. Pour moi, c'est un plagiat de Beau le lavabo. C'est vrai. Tout bonnement. Donc, oui, les vacances. J'ai envie de commencer par Clara Le Sage. Toi, t'es beaucoup. Parce qu'on se connaît un peu dans l'intimité, hein, on va pas commencer. C'est mon mec. Tu es beaucoup parti en vacances avec ta famille. Oui. Rapport au fait que vous avez. Arrête avec ça. Et oui. Je suis partie beaucoup en vacances avec mon père et mes frères. Sachant que tu as combien de frères? J'ai deux frères. Deux frères. Dont un jumeau. Dont un jumeau. Et un petit. Ouais. Et j'ai un demi-frère. C'est celui qui est canon, le jumeau? Oui. Ah. Mouille directement sur ma chaise, Elodie. Ça va pas ou quoi? T'es en train de niquer l'osier? Ça va pas? T'es en train de saloper la moquette? Attends, ça va pas ou quoi? Non, j'ai trois frères. En fait, j'ai un demi-frère. On n'a pas de lien de parenté, mais on a vécu ensemble très longtemps. Wow. C'est bien parce que j'ai tout le temps des accords un peu de, tu sais, pour lier l'émission. Oui, sauf que là, je connais un peu ta vie. Hein, mais oui. Ah oui, d'accord. Un grand frère, donc. Ok. Non, je suis beaucoup partie en vacances. Oui, il travaillait beaucoup et donc du coup, les vacances c'était un peu notre moment où on pouvait tous se retrouver. Et on a un peu bougé partout, ouais. Et est-ce qu'il y a des vacances qui te ring the bell, qui se sont pas peut-être mal passées ou... Bah alors c'est l'anecdote tout le monde attend de toute façon. Pourquoi? C'est l'anecdote de la photo. Alors, la deux. Alors l'anecdote de la photo fait partie de ces fameuses vacances. Je commence par la photo. Bah vas-y, mais les auditeurs sont pendus à tes lèvres. Oui, c'est mieux. Vrai, mais du coup je suis stressée. Mais non, t'en raconter tout ça. Ah, non, mais en fait, alors il faut savoir que du coup entre mes 12 et 16 ans. Mon look et ma confiance en moi étaient compliqués. Je me cherchais beaucoup. Est-ce que style. Alors, pardon, peut-être, oui, des précisions. Oui, sur, on a besoin de savoir exactement les auditeurs ont besoin de se faire une image dans le cerveau, tu vois, t'imaginer. On a besoin de beaucoup d'acné, des bagues, des lunettes de vue pas terribles, rouges, rectangles. Les verts, rouges. Presque. Ça aurait été même panique, comme ça. Ça aurait même été mieux. Une frange pour cacher cette acné, du coup frange grasse. Frange grasse d'ailleurs qui a chanté Elle là. Elle est bien. Merci mon amour. Et du coup je traînais beaucoup avec des garçons parce que j'avais des frères à la maison, donc j'étais un garçon manqué. D'accord. Qui cherchait beaucoup. Donc des pantalons très très larges, des t-shirts très larges aussi, des queues de cheval très larges, très basses, ah oui, près de la nuque. D'accord. Voilà, que c'est interdit maintenant. des Vans. Mais pas les Vans cool de maintenant, les grosses, ouais, les grosses, les écrase-merde. Les, ouais, t'es une zadiste en fait, t'étais une zadiste. C'était, et je comprenais pas pourquoi j'avais pas de mec, hein. Enfin, forcément, ça, ça allait avec, mais j'avais la, la ceinture à clous, enfin, rien n'allait, rien n'allait. C'est mignon de se, s'imaginer que de son côté, Flo était immonde aussi, quoi. Et vous êtes... Ouais, ouais, c'est... Vous êtes un power couple, alors... Ouais. Peut-être que si on s'était croisés dans un même collège... Non, j'aurais... je pense pas, parce que, je sais pas si t'avais ça aussi, il y a des expectations quand même très hautes, même si t'es très laid. Moi je visais vraiment donc, des canons. Tu pars sur des anglicismes de mec qui revient des States et qui dit expectation. Ouais, quoi. J'avoue, c'est un... Ah oui, c'est vrai. C'est quoi le vrai mot en français? Bah, les attentes. Oui, ah pardon, excusez-moi. Oh là là. Oui, ouais, ça va, le Nord crache, ah, là. Il a pris la grosse tête. Elle ne fait que râler, le Nord. Tout à l'heure, les gens. C'est long. De, en ce moment, en plus, je veux dire, depuis 10 ans. Clara, elle veut pas. Non. Clara est dégoûtée par l'épée et Léonore a un trou de balle. Tout à l'heure, je vais aller aux toilettes juste pour. Non, mais hésite pas à péter dans le micro par contre. Comme Evie. En fait, non, a... non, moi je respecte, en fait, tu rigoles. Non, mais l'idée c'est que. Il y a Clara qui fait non à Flo. Alors le P sera beaucoup trop près de nous. Oui, non, non, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'aimerais que plein d'invités lâchent des caisses sur ce micro pour ensuite le vendre à une association. Enfin, le vendre dans le but d'avoir de l'argent d'une association. Faudrait faire une petite marque quand même sur. Le micro, micro paix. Ouais, je suis d'accord. Parce que je mets beaucoup. Si mon c'est pour une assoce, Clara, tu vas pas, ouais, empêcher les gens de péter sur un micro quand même. Bah alors je m'en vais de la pièce. Bah oui, non, ça non, me... bah alors, faut se confronter à ses peurs. Hein. Entre le bruit et l'odeur, c'est. Il vraiment... y a pas d'odeur. Ah, okay. Moi, il y a pas d'odeur. Ouais, parce que Chirac. C'est dû à une malformation de l'estomac, donc il y a pas d'odeur. Bah arrête, ça a déjà pué. Genre, bon. Tes pets ils sortent de l'estomac directement donc. Mes pets ils sont déjà pués, franchement. Non, mais oui, bah, sûrement. Non, mais c'est vrai. Non, Adrien c'est vrai, répond à cette question. Non, mais, non, mais je sais pas, mais quel bah, rapport bah, avec l'estomac. Dis-moi, monsieur Elkabach, est-ce que ces pets ont déjà senti jamais. Bah, je l'air, il passe quand même par les intestins où il y a de la merde. C'est ça qui fait puer les pets, quoi. Non, parce que. Bon. Bah non, mais Léonore, elle a. Non, c'est vrai, je témoigne, franchement. Non, mais moi, c'est que des gaz en fait. Enfin, c'est de l'air, c'est que de l'air. Enfin voilà. De l'air, ouais, de l'air, c'est juste une question de survie. Est-ce qu'on peut écouter on peut l'anecdote revenir de Clara, sur Clara et ses frères. Non, non, alors pas sur mes. Là, je parle vraiment d'une photo. En fait, on a un groupe de potes sur WhatsApp et de temps en temps, on envoie des petites blagues. Et en fait, l'un de nos potes a envoyé une photo de lui jeune. Donc, ça a été un peu l'espèce de boomerang où on dit boomerang. Oui, en tout cas, il y a eu un enchaînement où Tout le monde s'est dit genre, vas-y, j'envoie la pire photo de moi quand je suis jeune, quoi. Donc il y a vraiment eu des photos très drôles. Et donc je me rappelle d'une photo que Éléonore n'a pas vue. Après, tout le monde l'a vue autour de moi, cette table. Moi, je l'ai pas vue, je pense. Adrien, t'étais sur dans le groupe du Snow Web. Peut-être que tu t'en souviens pas. Ah, peut-être. Ah ouais. C'est vraiment la photo qui a tué tout ce concours-là. Ouais. Et en fait, t'étais en vacances où j'étais, déjà. Alors. Je m'en rappelle plus. C'est une photo de toi ? C'est une photo de moi. C'était à la Toussuire, non ? Non, non, c'était dans les îles. J'étais partie avec mon père. Ah non, sur la photo. Ouais. D'accord. Je me rappelle plus trop, mais du coup, j'avais 14 ans. Et en fait, cette photo est très dure. Maintenant, du coup, vu que je suis un peu plus âgée, j'en ris, mais elle était vraiment immonde. Et le problème, c'est que je me croyais hyper stylée sur la photo. Mais vraiment, j'aimerais faut savoir. Que tu la montres maintenant. Faut la montrer et Adrien va en faire la description. Ok. Et alors, faut que je la montre à Lolo. Montre-la à Lolo, vas-y, vas-y, vas-y, je t'en prie. J'ai 14 ans. Elle est partie du micro pour rire. C'est hyper gênant. Tout est Elle incroyable est... sans cette photo. C'est pas très radiophonique, ouais, malheureusement. On va essayer la de. Photo, s'il te plaît. Est-ce que tu Et peux bah la décrire? C'est un être. C'est hyper non. Qui donc c'est Clara hein, en treillis. Treillis militaire. Militaire avec un t-shirt noir et écrit spy. C'était avec une marque. Des ailes. C'était une marque. Donc une espèce de queue, je sais pas, queue mise en deux. Oui, c'était mais... stylé à l'époque. Non, non, à chaque truc qu'on dit, elle fait à l'époque. Attention, hein. J'ai zoomé c'était une marque. Sur ta gueule. C'est la nonchalance incarnée. La casquette, c'est une casquette Lanco. C'était à mon père. C'était une marque facile à l'époque, Clara, je crois. Non, non mais t'oublies de dire un truc quand mais même. C'est incroyable. Et le final, ça, c'est incroyable. Comment on dit ? Un régime de bananes. Un régime de bananes dans les mains. Elle tient près de 90 bananes. Alors vraiment, en mode comme si elle l'avait pêché, qu'elle était fière. Non mais, tu sais, on dirait les photos qui retrouvent une fois que les ados ont fait une fusillade dans les écoles. Parce que t'as un treillis militaire, t'as une casquette, surtout, ah ouais, le regard vide et tout. On dirait un enfant soldat. La banane, quoi. C'est bizarre. Mais je me trouve hyper stylée. Non, mais vraiment, à ce moment où mon père me dit, genre, je m'en souviens, il m'avait dit, genre, pose-toi là, oula, je te attention. Prends en photo. Et au dernier moment, il m'a dit, genre, prends les bananes. C'est genre sur la photo. Et t'as l'air d'être deg. C'est pour ça, c'est hyper nonchalant. Il y a un détail assez important qui a été omis. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut partir maintenant. Hein ? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. C'est pas un treillis militaire, c'est un pantacourt militaire. Un pantacourt qui va à mi-cheville. Alors tu fais déjà 1m80 à ce moment-là. Bien sûr. Et c'est un pantacourt de mec, je ne porte que des fringues de mec. Hein. Faut savoir. Hein. Et tu agrippes les bananes avec une belle poigne. De toucher de la bite. Hein. Un cargo de bites. Tout bonnement. Cargo de bites. Et j'ai des verres à lunettes. En fait, j'avais une vue très basse parce que du coup, je me suis fait opérer des yeux, heureusement. Mais en fait, c'était Alain l'époque. Non, mais c'était la mode d'avoir des verres qui ne se voient pas. Donc, qui n'avaient pas de. Il n'y a rien de ce que tu disais qui était la mode. C'est vrai que. Depuis tout à l'heure, tu fais non, c'était hyper stylé. Personne nous vend, genre. Ça, tout le monde. Quand on voit des photos de David Bowie dans les années 70, c'était la mode à l'époque. Ça reste un peu stylé aujourd'hui, quand même. J'étais hyper complexée. Oui, de bah mes ça, lunettes ouais. Non, mais maintenant pas. Toujours apparemment c'est ça le truc. Non mais de mes lunettes ce et du qui serait coup, trop c'était drôle des... c'est que t'arrives à retrouver ça et refaire la même photo maintenant. Non, mais faut en surtout... fait c'est impossible de trouver autant de bananes parce que la planète est en train de mourir. Mais faudra déjà faire un petit montage avec cette photo et la photo de toi où t'es méconnaissable. On fera ça pour votre mariage mais tu seras pas invité Adrien. Est-ce que tu as eu des vacances un mais peu... c'est ça l'anecdote. Non, c'est juste. Mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. Éléonore Coste, toi, est-ce que tu as eu des vacances un petit peu nulos? Ouais, mais alors du coup j'ai réfléchi, mais je me souviens plus trop de. Attends, je réfléchis aux meilleures parce que j'en ai trois dans la tête. Mais dis la première qui te vient, c'est pas grave. Bah les pires vacances de ma vie mais c'est pas hyper drôle. C'est... Alors, je choisis peut-être la plus drôle des trois du coup. Attention parce que les histoires de famille pas drôles c'est moi là. Mais c'est mon créneau. Ouais. Non mais c'était quand j'avais 13 ans. En fait j'avais eu en juin j'avais rencontré un mec et du coup est-ce qu'on peut lui inventer son prénom? Il avait un aileron de requin lui dans le dos. Et il s'appelle Alexandre. D'accord. Et il m'a dépucelé cet été là. Ok. Et en gros c'était bah du très coup, jeune hein. Ouais, j'ai fait le calcul ouais, j'étais 14 ans. Ans non 13 ans d'accord ouais, j'avais 13 ans. C'est 5e 4e mais aussi j'étais hyper ouais j'étais en 4e j'allais passer en 3e c'était l'été où j'allais passer en 3e mais j'étais hyper enfin je te montrerai une photo j'étais vraiment ouais bah attention parce que c'est l'argument de c'est les grosses pastèques de Lolo de le non mais j'avais envie clairement j'avais envie enfin j'avais envie de lui il y a pas je veux dire j'avais très envie de non mais c'est comment il s'appelle là le putain j'oublie j'ai une photo de 13 ans là. Oui j'avoue que c'est un argument complètement con. Attends mais j'ai une photo de cette théorie on va dire dis non. Non je sais même pas pourquoi t'es parti là dessus bon, le pianiste Polanski voilà ouais. C'est l'argument de Polanski quoi. Regarde, c'était cet été là non mais je vais dire quoi je vais dire Non mais Lolo, j'ai le même âge que toi sur ma photo. Mais oui, là c'est l'été où j'ai été dépucelée, donc tu vois, j'étais. Mais je sais que c'est pas un argument, mais j'étais. Ouais, non mais si. Le mec qui change complètement de discours. Non, non, je plaisante. Donc c'était cet été-là. Bon, en tout cas, c'était cet été-là, je suis dans le lagon vert, lagon bleu. Je sais pas, c'était quoi cette VHS? Oh, je l'ai vu il y a pas longtemps, il était si génial ce film avec Mila Jojovic. Tu sais, le 2 c'était Mila Jojovic. Mais moi à 13 ans, j'étais. Mais moi j'étais ça. J'avais 6 ans. Moi j'étais comme toi, Lolo, mais en moche. En fait, j'étais faite comme t'avais ça. Des seins, mais aussi. Ah ouais, de ouf. J'avais des énormes gougouttes, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Toujours est-il que je me fais dépuceler par Alexandre. D'accord. Et que j'ai qui 13 quel ans. Âge, lui alors lui, il avait 16 ans, mais moi, je lui avais fait croire que j'avais 16 ans. Oui. Ah, pas sympa ça, mais ouais. Bon, t'étais. Bah bon, j'avais. Non, mais j'étais amoureuse de lui. Bah voilà. Et puis, bon, il se trouve qu'on part sur ça. Moi, mes parents, ils sont motards et ils nous emmenaient avec ma sœur en moto. Donc là, on est parti faire le tour de la Corse en moto. À moto, excuse-moi. Donc Raphaël, ma petite sœur était derrière ma mère sur la Harley, moi j'étais derrière la, je crois que c'est la Ducati à l'époque. Dans le sidecar en train de baiser. Donc c'est horrible pour des enfants. Parce que de faire 8 heures de moto par jour à l'arrière, et tu sais, t'as pas de possibilité, il n'y avait pas les portes. Même non, si y avait t'es accroché, tu n'as tu te fais chier. Rien moi, je faisais à de faire. La moto, je faisais pas 8 heures, mais je faisais de la moto avec mon père, c'est chiant. Ouais, surtout tu te quand fais il chier. Était tombé. T'as du mal en permanence. Hein ouais, ouais, non, mais tu. Ouais, mais pas. On roulait pas vite, hein. Ouais. Mais ouais. Ah, c'est une petite flippe quand même. Ouais, ça calme, hein. J'ai une petite cicatrice au genou. Et ça t'a pas transmis le goût de la moto, en tout cas. Bah, je fais du scout. Alors. Oui, c'est vrai. Bon, non, toujours est-il que je commence cet été-là sur les routes à avoir très, très, très, très mal au ventre. Mais un truc anormal. Et j'ai toujours été nerveuse, une enfant plutôt angoissée, donc j'ai toujours eu des problèmes de ventre, tu vois, j'étais constipée, j'avais la chiasse, enfin, j'avais toujours un truc qui allait pas. Si t'étais donc, enceinte quand... et que tu t'es fait avorter à 13 ans, c'est vraiment pas marrant. Non, comme... mais c'est pas ça. D'accord. Oui, mais tu gâches mon histoire. Je m'attends à tout maintenant. Du coup, quand je dis que j'ai mal quelque part, moi, mes parents, ils me prennent pas trop au sérieux, c'était stressé, enfin voilà quoi. Des bon, motards, bref. Et puis c'est de pire en pire et en fait bah on se retrouve après dans le Jura etc et puis je fais un malaise sur un espèce de d'air d'autoroute je sais pas quoi je tourne bon mon père dit que je joue la comédie et que je suis une conne mais que je gâche leurs vacances et puis ma mère elle me dit putain c'est chelou parce que ce que tu décris comme douleur ça me rappelle un truc et tout et puis ah oui alors attendez j'aime bien qu'elle mette un suspense ça me rappelle un truc je te dirai pas quoi je raconte hyper mal parce qu'il y avait que ma sœur qui était plus ou moins au courant que j'avais baisé et mes c'est parents grande sœur, hein. Ils étaient non, au courant mais ils savaient pas trop que parce que je m'étais pas protégée moi j'étais conne quoi tu vois et du coup il y a vraiment eu pourquoi ce serait toi lui il était plus vieux et ouais, c'était sa vrai. Bite bah oui c'est vrai il aurait été vrai bah ouais non mais quoi et donc du coup ma sœur m'a dénoncé en criant oui elle est enceinte d'Alexandre c'est pour ça qu'elle a mal au ventre mais c'était genre le lendemain quoi. Ah non, c'était genre j'avais dû baiser en juin et ça c'était en juillet, tu vois. Ah d'accord, ok. Et puis bon, bref, donc du coup je me retrouve à faire des tests de grossesse, pharmacie, machin, y a rien. Et en fait, c'est là qu'on va voir des médecins. Et après, tu lâches un pet 45 minutes. Ah bah c'était. Mais tu ne sens pas, Bah c'était ça, c'est bon. C'est juste de l'air. Et puis les médecins savent pas ce que j'ai, machin. Alors, à savoir que je me tapais tous les hôpitaux des villes de genre coin, j'ai fait Briançon j'ai fait enfin tous les trucs par lesquels on passait c'est quoi. Sympa comme tour de France non, mais c'est, et ça parce que là je vous la fais courte mal racontée mais ça a duré 2 mois je en fait pas le court, truc ça a duré 2 mois quoi oui non je sais c'est un peu long ça mais commence non, à c'est super, mais bon non. Bref non, mais en fait bien. Tout ça pour en venir au fait que ma mère diagnostique toujours tout dans la famille et donc elle me dit je pense que c'est des calculs rénaux je suis sûre que c'est ça et elle m'a obligée sur rien, du coup, tout l'été hein basé juste sur ce que non tu basé disais. Sur mes symptômes d'accord. Sur là elle m'a obligée tout l'été donc tout le mois d'août à pisser dans une passoire. Donc elle avait sur sa moto vous avez dans son elle sac arrière dans sa moto dans son sac arrière elle avait la passoire et tout et elle me forçait à pisser dans la passoire pour voir les calculs alors je devais pisser dans la passoire attends. Avec ma sœur qui, tu sais, genre une pissoire du coup. Avec ma sœur qui me jugeait parce que j'avais été dépucée, qui pensait que j'étais enceinte. Mon père disait, elle nous gâche les vacances. Et ma mère qui m'obligeait, mais pisse dans la passoire. Qu'on voit, qu'on voit passer le calcul. Pisse dans la passoire. Mais d'où attendre. Et je me suis retrouvée à l'hôpital de Cergy-Pontoise pendant quasi deux semaines, trois semaines. À pas savoir ce que j'avais et à être sous morphine et tout, c'était l'enfer. Et en fait, en effet, un beau jour, j'ai pissé des petits que j'ai gardés, hein, des petits cristaux magnifiques, des petites étoiles transparentes, c'est très beau. Ouais. Et en fait, j'avais des calculs et encore aujourd'hui, mon père, donc combien d'années après ? Ah bah, je vais te faire 17 ans après, mon père continuait à nier et à dire que j'ai joué la comédie cet été-là et que j'ai niqué leur été. C'est très agaçant. Ça. Alors que les calculs rénaux trônent dans le salon en plus. Alors que mais les calculs rénaux sont là. Mais est-ce qu'on peut parler des pères qui sont vraiment des tyrans ? Parce qu'on en avait parlé aussi avec Vanessa pendant les vacances. Les pères sont des tyrans en vacances, c'est fou. À chaque fois que tu souffres ou que t'as mal ou que t'as pas envie de faire un sport, tu gâches. C'est leur moment en fait. Tu gâches en vacances. Ouais. Il faut profiter. C'est la culture du faut profiter. Exactement. Moi j'avais ça aussi. Ouais. Vous aussi vous vouliez à 7h même si c'était les vacances. Bien sûr. 7h du mat. Alors pas forcément, mais en fait moi c'est plus lié aux activités de l'hiver, donc le ski. Mes parents sont des oufs de ski, vraiment de malade mental. Et en fait, tu te lèves à 7h, enfin 6h, à 7h30, t'es en bas des pistes pour prendre le premier télésiège à 8h. Et c'est ça toute la journée, quoi. Ah bah c'est les forfaits, hein. Et c'est les forfaits, faut optimiser. Et tu prends le dernier télésiège et tu te plains pas, et même si tu casses la gueule. Ouais, et tu c'est dur, les journées de ski de. Ouais. Et c'est, tu me remercieras plus tard quand tu feras du ski. Mais en réalité, j'y croyais pas, mais aujourd'hui, je suis passionnée de moto, je suis passionnée de ski, je suis passionnée de pisse. Tous les trucs que je haïssais. J'adore pisser dans les passoires régulièrement. Ça explique la passoire dans tes chiottes quand on vient chez toi. Mais tu ne peux plus pisser que dans une passoire. Ça, c'est un peu pénible. Faut qu'elle ait toujours une passoire sur elle. Elle passe même les petites, même les petites, tu sais, pour les épices là. Vanessa. Est-ce que toi tu as alors des vacances, je vadrouille moi, donc j'en ai plein. Hein. Non mais en fait je me dis, je pense que un truc important en tout cas dans ma vie, ça a été quand j'ai eu le permis. Je viens d'un tout petit village au fin fond de la France et en fait j'ai fait mon lycée en Ardèche. Et j'ai eu mon permis l'année où j'ai passé le bac. Donc je fais partie de ces gens qui sont allés au bac en voiture. C'est un peu classe, tu vois. Ouais. Et on faisait partie, tu sais, les gens du début de l'année. Enfin, c'était un peu la classe. T'as conduit une voiture que t'as conduit toi-même, c'est ça? Ma voiture que j'ai, tout le monde est allé. Et que j'ai acheté moi-même parce que je commence à travailler à 13 ans, donc en fait j'avais assez d'argent pour m'acheter une voiture à 18. C'est tellement beaucoup plus évolué que moi. Vous êtes vraiment beaucoup plus évolué que moi très très tôt, quoi. Ouais, je parle de mes seins à 13 ans. Non, que t'as baisé, je parle pas de tes seins, je parle de fait que t'as. Oui, parce moi que c'est là, vraiment beaucoup plus tard les deux, ce que vous avez cité. Adrien, travailler. La trentaine, ils ont pas de bichon, hein, faut y penser quand même. Ça vient, mais. Doucement. Ça commence par le ventre, quoi. Et en fait, donc j'ai eu mon permis, j'ai eu le bac, et en fait, la première chose que j'ai faite. En bonne ardéchoise, c'est que je me suis dit, j'ai le bac, je vais le fêter où ? Et au Cap d'Agde. parce que c'est le truc que tu fais en priorité, c'est que tu vas au Gros du Roi ou au Cap d'Agde parce qu'il y a le Luna Park. Ah, Gros du Roi, j'y ai passé plein d'été. J'ai adoré cette phrase. Bah, c'est là où il y a le Luna Park. Le Luna Park, c'est un espèce de gros parc d'attractions où il y a des roller coasters, des trucs, machin. Il faut savoir toutes les régions ont un peu leur parc régional et donc t'as le PAL, le Nigloland. Luna Park, Et le Luna Park, c'est un truc. Et à côté, il y a le Titan, et c'est genre une discothèque de malade mental. Le nom ment pas. Hein. Et c'était à 5-6 heures de route de chez moi. Et on a pris la nationale parce que l'autoroute, on n'avait pas les thunes pour payer l'autoroute. Et en fait, on est arrivé au Gros du Roi et on a fait tout ce que tu fais au Gros du Roi quand tu rêves d'avoir 18 ans, c'est-à-dire que tu te fais des tresses plaquées. On s'est forcément croisés. Tu sais, les tresses avec du fil autour d'une mèche de merde, le tatouage éphémère de merde. Ouais. Tu tapes un Américain nul. Bah écoute, c'est comme ça dans mon village. Moi, j'ai juste appliqué des traditions. Hein. C'est la protection sociale, c'est tout. Et en fait, c'est Et je me souviens d'une anecdote de nulle à chier, mais je me dis qu'en fait, même maintenant à 34 ans, je pourrais faire ça, et c'est pas si drôle. C'est qu'en fait, on avait un jeu de cartes à jouer, mais c'était le fond, c'était des photos de mecs avec des grosses tubs. Alors que moi, j'étais vierge à ce moment-là, parce que c'était là que je me suis fait déflorer par quelqu'un que j'ai rencontré au Cap d'Agde. Voilà. Il s'appelait Alexandre. Il s'appelait Ahmed. Et en fait, on avait ce jeu de cartes avec de mecs avec des grosses tubs, et on les planquait. Parce qu'évidemment, on allait au camping municipal. Et en fait, on les planquait dans les shorts des gens qui les faisaient sécher sur des fils d'étendage. On planquait des cartes de tubs chez tous nos voisins. Et ça nous faisait rire. Et on attendait qu'ils récupèrent leur linge. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pendant 6 jours. Mais c'était très bien. C'était vraiment mes premières vacances d'adulte. Pas ouf. Mais 6 heures de bagnole, c'est fou. Du coup, ouais. Par la nationale, ouais. Ouais, je pensais que t'allais dire. Quand tu te fais chier en Ardèche, ouais, enfin, mais 6 heures, Paris, quoi. Enfin, c'est ça... rien, non, ah, mais à Paris, cet âge-là. Ça paraissait c'était trop. Et ouais, 6 heures, mais non, mais ça va. Mais c'est aussi parce que je venais d'avoir le permis et je roulais, je pense pas très vite non plus, tu vois. Oui, oui. L'été, vaut mieux aller au Cap d'Agde qu'à Paris, en fait. Oui, oui, non, c'est mais vrai. Ouais. Je sais pas, moi j'ai tellement, quand j'étais en Bourgogne, fantasmé Paris que je pense que je serais allé n'importe où. Ça se voit, ça se voit, attends. Moi j'achetais des cadres photos en bois flotté, hein, sur le marché artisanal du Cap d'Agde. Par contre, moi j'avais comme toi, j'avais ce truc de petit village qui. Mais moi j'ai. Enfin, je sais pas si t'as fait ça, mais moi j'avais même fait la conduite accompagnée. Parce que l'idée, oui, j'ai fait ça, ouais. Bien fallait, sûr. Fallait le permis le plus vite possible pour faire des trucs parce que. Sinon c'était mort. Ouais, même aller dans une. Moi c'est mon vrai manque que j'ai en vivant à Paris, c'est les salles des fêtes. Je trouve ça fascinant. Et j'adore les salles des fêtes et je trouve que. Ouais, mais on en parlait l'autre fois. C'est mais trop oui, bien. Parce que moi je n'aime pas louer des bars où il faut payer beaucoup trop cher et où on te fout dehors à 2h du mat. Les salles des fêtes, t'arrives à 17h, tu l'as jusqu'à 9h30 le lendemain. Ouais. Et c'est vraiment parfait, c'est vrai. Moi j'ai fêté mes 18 ans dans une salle des fêtes et. Tu choisis ta musique. Ouais. Et tu fais venir DJ Décibel dans mon village. Le DJ c'est DJ Décibel et c'est aussi celui qui fait la mise en rayon au supermarket du village d'à côté. Ah, les couteaux suisses. Bah, faut être polyvalent. Faut être polyvalent. Ouais. David Guetta faisait ça aussi. Après, c'est connu. Est-ce que vous avez rencontré des crushs? Est-ce que vous avez vécu des crushs de vacances, genre des gens que vous rencontrez en vacances et, c'est le fameux syndrome du quai de la gare, quoi. Ah ouais. C'est que tous ces mecs là, putain, c'est ma mère, elle appelle ça le syndrome du quai de la gare. Et c'est tous ces mecs là quand tu les revois à Paris. À partir du moment où ils mettent le pied sur le quai, plus du tout intéressant. Bah plus du tout. En fait, c'était tout le contexte. Bah, hors contexte, ça n'a plus aucun sens. C'était un bébé plus jeune, t'as eu des crushs toi plus jeune? Oui, vers 6-7 ans quoi. plus jeune que quoi? Elle avait des gros, non, mais énormes seins de là. Tu parles du quai. Tu parles du quai. Non, je pensais quand t'étais ado, quand t'étais tes crushs de vacances d'ado. Bah ouais, bah ado, c'est la même chose, oui, c'est oui, un peu. Et toi Vanessa? Des crushs de vacances, putain, mais moi j'ai une histoire qui est sublime mais qui est trop longue à raconter. Ah bah non, et écoute, je veux pas la sabrer. Non. Mais c'est tout une très belle histoire de il y a pas très longtemps d'ailleurs, enfin il y a pas très longtemps, bah, deux rappelle, ans. Hein. Oui, je te l'ai raconté avec Adrien, on a et été invité dans un festival. Elle sera coupée toutes les 5 minutes pour faire des blagues. Voilà, de donc je vais pas la raconter, mais elle est trop bien. On va la gâcher. Mais en plus c'est un truc de vie d'adulte. Enfin, j'avais 32 ans, donc en fait c'est un truc vraiment très très beau. Si je suis sûre, je t'ai raconté. Mais du coup, j'ai envie que tu la racontes quand même, parce que je pense que les auditeurs, c'est le truc qui fait. C'est vraiment long. Non mais c'est vrai. Non, Adrien. On fera un bonus si jamais on ouvre un Patreon et tout. Mais si tu fais une spéciale. Amour, je sais pas, romance, amour. C'est une très belle histoire d'amour éphémère. Moi je viendrai pas du coup. C'est pas comme Harry Potter ou Pixar et tout. Moi j'ai pas vu ça donc. Mais sinon, des crushs, franchement, je vais rester sur ce truc du Cap d'Agde et tout, mais Ahmed que j'ai rencontré dans ce camping municipal là. Ouais. Ça a été mon premier mec, enfin le premier mec avec qui j'ai couché. Et en vrai, c'était. Trop bien, enfin c'était cool. On s'est revus après à Lyon et donc tout. Donc c'est pas que de vacances, c'est quand vous êtes revus. Bah, on s'est roulé un cool. peu des palos là-bas et en fait on a consommé à Lyon et j'allais après rentrer à la fac à Sciences Po et tout juste après quoi. Et c'était cool. Ouais, allez, on cale Sciences Po. C'était cool. Non mais fac de Sciences Po, j'ai raté le concours Sciences Po, j'ai fait une fac de Sciences Po. Je fais partie du panier quoi. Voilà. Déchets, quoi. Vous mettez dans le panier déjà, donc ce qui est déjà. Mais en fait là, je réalise que moi je me suis mise en couple avec tous mes crushs de vacances. Enfin, en couple longtemps, finalement, toutes mes relations longues, c'était des relations qu'on commençait en vacances. Enfin, c'est ça. Même si tu l'as pas rencontré en vacances, oui, si c'est dans un contexte de vacances. Bah, sinon, c'est plus un crush de vacances, bah, c'est ouais. quelqu'un que t'as rencontré, quoi. Genre, tous les gens qui m'ont plu, je me suis mis en couple avec eux. Oui, c'est pas si fou. Après, dans les crushs, enfin en vacances ou peut-être en voyage, genre type Erasmus, ou les gens qui ont fait des voyages comme ça d'un an, genre Working Holiday Visa. C'est différent. Ouais, c'est un peu différent. Ouais, c'est des vacances en vrai, parce que tu branles rien. Enfin, si, tu ramasses les fruits. À part quelques mecs. Mais tu branles un peu des mecs. Et tu fais ce putain de fameux, enfin, je sais pas si tout le monde l'a fait, mais concours de nationalité où t'essaies de taper le plus de mecs. Ou de meuf et ou mec non. et meuf. Ouais. Personne ne fait ça. De ah bah j'ai fait, bah voilà. Non, c'est un vrai truc. Moi j'ai un groupe de potes que je connais depuis 20 ans. Et il y a ce jeu qui ah ouais au sein du groupe. Ouais. Évidemment, je ne participais pas au jeu, mais. Mais pas forcément lequel. Tu as une hein, carte de l'Europe et tu grattes, tu sais, ces trucs que tu achètes. Bah ouais, en fait, t'avais des trucs de gradation parce que les trucs faciles en voyage, ils c'est les ça Anglais, le jeu les drapeaux. Ah, le jeu des drapeaux. Et ils disent ah moi j'ai c'est les jeux de la nationalité. Et il ouais, y avait voilà. des nationalités plus cool que d'autres parce que c'est très facile de les Anglais, les Allemands parce qu'il y en a beaucoup partout dans le ouais. monde et tout, enfin en tout cas en Australie. Mais il y avait des nationalités oui. c'est plus délicat quoi. Et une copine à moi a dégainé Afrique du Sud, Israël dans deux jours et bah franchement enfin elle a vraiment scoré de ouf sur l'échelle quoi. Alors direct. Petite parenthèse, est-ce qu'il y a des règles, enfin un peu des trucs Il y avait des règles, mais c'était il y a 10 ans et je pense que les règles étaient vraiment ridicules. Mais non, ouais, on avait un tableau. On avait les règles, mais elles sont très racistes. Non, c'était plus sur. Franchement, c'était pas raciste, c'était plus. c'était plus sur. La densité de population, enfin les gros pays qui viennent en Australie. Et c'était anglais, allemand. Ouais. Et ça, c'est pas marrant. Enfin, en vrai, c'était trop facile. Et voilà, ah oui, donc, c'était plus oui, donc vous, c'était un truc de nerd basé sur les statistiques, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que moi, mes potes, c'était plus. Non, sucer, ça compte pas. Non, nous, on roulait plus des pelles qu'on couchait vraiment. Ah, d'accord. Oh, ça compte moi, pas. Moi, je faisais rien. Donc, vraiment, même si c'était roulé des pelles, je n'aurais pas eu un. Moi, un score tout court. Moi, je me souviens quand j'étais ado, je flashais sur toutes les meufs, mais parce que elles étaient à la plage et elles commençaient à avoir des formes. Mais par contre, d'aller les accoster, bah non, je trouvais ça tellement dur parce que justement, il y a un truc un peu de on est à moitié à poil quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc de, parce qu'en vrai, moi j'ai pas fait on partait pas en vacances l'hiver, donc c'était vraiment deux semaines dans l'été où on partait peut-être une semaine et l'autre semaine on restait à la maison quoi. Et ouais, moi je me souviens avoir flashé sur 1,5 milliard au camping de meufs. Ou pas, on faisait pas camping, mais non, on prenait des hôtels. Ouais. Mais du coup, à la plage, tu crois souvent les mêmes personnes parce qu'on allait dans des petites villes, tu vois. Souvent, on allait pas genre à Royan, mais dans la petite ville à côté de Royan parce que y a trop de monde et ça fait chier mon père. Et ouais, non, je me souviens d'énormément de flashs de meufs. Mais ah ouais, de là à passer le pas, ça me paraît tellement fou. C'est là où moi je suis contente d'avoir fait tous les campings, enfin d'avoir vraiment fait toutes mes vacances en camping jusqu'à mes 18 ans avec mes parents, parce que en fait t'as les balles. Enfin, tu sais, t'as l'élection, c'est con, mais l'élection Miss, le fameux quart d'heure américain, tu vois, il y a un truc où en fait ça te pousse à rencontrer tirer de l'attente de tes parents en fait. Et c'est plus facile. Hein. Parce que moi j'ai fait toutes mes vacances, c'était avec mes parents, chez mes grands-parents, c'est les seules vacances que j'ai fait. Bah ça t'ouvre assez peu. T'avais des cousins. Quand même calé un wad à ta grand-mère. Parce que, en fait, c'est en général là où tu cales. Voilà, en général, tu cales des doigts à tes cousines dans ces cas. Dans ces non. Cale un doigt dans ta cousine d'ailleurs, qui est un album de rap pas ouf. C'est très peu vendu. De Vincent Lagaffe, toujours. Non, mais en plus, moi j'ai pas de cousines de mon âge quoi. Genre, elles ont soit 6 ans de plus, soit 6 ans de moins. Ouais, donc moi j'ai pas de cousines non plus. Mais y'avait pas dans le village, y'avait pas des trucs, des balles, les balles de l'été ou des trucs comme ça? Bon, après il y a aussi le facteur ma personnalité après qui rentre en jeu aussi. Mais, beaucoup de choses qui te sont mais être avec être avec ses parents chez ses grands-parents c'est pas le truc non, je suis allé en colo une fois justement ma mère s'est dit bon quand même faudrait qu'il aille en colo. Un fiasco total. Bah en gros moi je voulais pas y aller. Je disais à ma mère non je veux pas aller en colo et elle disait t'y vas une fois et si ça te plaît pas t'y retournes plus. Donc je dis j'ai pas le choix quoi. Donc on va en colo. Donc je connais personne, j'ai pas un pote avec qui j'y vais et tout, je connais vraiment personne. Et quand tu dis on va en colo, tu vas avec ton frère ou Non, je suis tout seul. Lui et sa personnalité est morte. mon frère il a 6 ans de plus que moi donc Et donc je vais en colo et je me fais vraiment pas de pote tout de suite quoi, très rapidement je me fais aucun pote quoi. En fait le truc c'est que dans mon sac dans le bus j'avais vraiment pris, enfin ma mère m'avait mis beaucoup de trucs à bouffer Donc et j'avais rien bouffé pendant le trajet quoi. Donc j'étais arrivé avec plein de trucs, des gâteaux et tout machin. Et ça s'était su. Et du coup il y avait le mec cool de la colo qui m'avait dit: putain mais toi t'es trop cool toi comme mec et tout. Je me disais ah ouais. Oh non. Et il avait dit vas-y tu veux pas ramener des gâteaux et tout. Donc j'ai fait ouais ok et tout. Et en fait très rapidement une fois que ils avaient mangé toutes mes vivres j'étais moins cool du coup. Donc je me suis fait vraiment pas de pote quoi. Et je me suis battu et je suis rentré avec un cocard. Et donc je suis descendu du bus. Enfin, déjà, ma mère m'appelait parce qu'on appelait les parents et tout. Et donc, je parlais à ma mère au téléphone. Et ça, je m'en veux un peu, mais en même temps, je passais vraiment un très mauvais moment. Donc, c'est que je mettais aucune bonne volonté pour lui décrire le truc. Quoi. C'est-à-dire, alors, ça te plaît et tout. Je disais non. et donc, elle disait ah bon, mais tu t'amuses pas? Non. Et bon bah au revoir. Donc elle devait se sentir trop mal quoi. Et en plus quand je suis rentré, je suis descendu du bus, j'avais un cocard. Et je lui ai dit c'est bon maintenant je peux ne plus y retourner. Et elle a fait ouais ouais. Et je suis plus jamais retourné. Je serais trop sorti avec toi moi. Ah ouais moi je t'aurais fait des câlins et je t'aurais sucé la bite. Comme quoi ça joue à ça hein. Avec tes grosses pastèques. T'es juste pas tombé sur ouais, la bonne. Pour le coup j'aimais trop les garçons comme ça moi. Ah ouais. Les solitaires Non puis, tout le monde dit ça maintenant mais non si mais c'est possible. Ah si moi, toi je sais pas mais moi c'était surtout que j'étais très laid. Donc tout est possible. Mais j'étais... moi il y avait vraiment non, une laideur repoussante. Tu devais être mignon comme tout toi. Non mais bah, déjà je faisais vachement plus jeune. Je pense que mon âge. Donc c'était pas forcément le meilleur truc. C'est quand sûr. T'étais jeune. Pour faire aux femmes. Et non mais le truc c'est t'aimes les mecs solitaires qui sont un peu ténébreux et tout. Ah moi, non moi j'aimais les petites vicos. J'aimais les vicos. Ouais bah écoute c'est dommage qu'on se soit non, pas non tu aimais hein. Nikos. Ah Nikos Aliagas. Moi j'ai toujours détesté les colos. Mais vraiment ah ouais. J'ai jamais fait moi. Ouais. Moi j'ai toujours refusé au fixe. C'était le chantage. Mais t'y allais? J'y suis allée que deux fois et j'étais tout le temps avec Alexis en plus qui est mon jumeau. Et pareil, pas mal en déjà. Fait, on avait des sessions de téléphone fixe avec les parents. Et dès que mes parents m'appelaient, je hurlais en pleurant, ah oui. Ils venaient me chercher quoi. C'était horrible. Tu veux dire ouais, comme en prison en fait, tout simplement. Ouais, ouais. J'étais en tôle. Comme à la Star Academy. Bah ça fait vraiment genre on se débarrasse. Moi je trouve ça fait on se débarrasse de vous quoi. Non mais une seconde, je raconte. C'était pas très loin du divorce de mes parents aussi, donc ça oui, jouait ça. Ah, peut-être ouais, mais c'était... Bonne excuse ça. Non, mais c'était horrible. On te force à faire des activités que t'as pas envie de faire. On te force de dormir avec des gens avec qui t'as ouais. pas envie. On te force ouais, de ranger ta chambre. Tu partages une intimité avec des gens que tu connais pas bah du ouais. tout. Bah ouais, non, mais en même temps, dans après, t'as chambre, des gens qui adorent. C'est ça qui aussi, tu vois, fait que t'es plus à l'aise dans la société après, quoi. Oui, mais je pense, en vrai. Je pense que c'était un peu tard quand même, à envoyer un peu tard, je pense, en colo. C'était trop tard, j'étais déjà figé dans ma association. Pourquoi tu t'es battu? Hein? Pourquoi tu t'es battu? Je sais même plus pourquoi. Si, en fait, je m'étais. Bah, le gars, il tenait des propos un peu intolérants. Pas du tout, c'était vraiment de ma faute. Je m'étais foutu de la gueule d'un mec et je t'ai battu. C'était ridicule, quoi. Mais j'avais 14 ans. Hein. Putain, moi, j'ai toujours réussi à éviter là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère surprotectrice qui fait que du coup, elle m'a jamais envoyé dans des trucs comme ça. Moi, c'était que chez les grands-mères et je partais jamais en colo ou en truc. Elle avait fait ce truc très malin de laisser la Mega Drive chez ma grand-mère pour me donner envie d'y aller. Et en fait, c'était une tactique de parents pour te donner envie d'aller voir tes grands-parents. Tu laissais une console de jeu. Et très malin en fait, c'est ça marchait très ouf. Très bien, ça marchait très très très bien. Est-ce que ça vous arrive, est-ce que, parce que c'est quand même connu, les vacances des fois ça tend un peu les relations, est-ce que vous avez déjà eu des engueulades de vacances, souvent c'est avec les compagnons, compagnonnes? Pas sûr de compagnie. Ah moi je me suis séparée en vacances. Ah sympa. Ouais, en Islande, c'était vraiment génial. Moi je m'engueule beaucoup en vacances. Ah ouais, ouais. Ah bon. Tu veux dire en voiture? En voiture je suis insupportable. Et d'ailleurs j'ai reçu des commentaires assez troublants, puisque du coup c'est le cas de tout le monde. Quelqu'un qui dit que ils se sont rendus compte, ils ont eu très peur, donc c'était un couple idyllique, et en vacances ils s'engueulaient beaucoup, genre tous les jours, à une heure en particulier, et c'était à 11h45. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'ils avaient juste faim. Ouais, et en fait, oui. C'est le fait, ils s'étaient jamais. Ouais. Ils avaient jamais passé du temps ensemble en ayant faim. Ah oui. Et en fait, ah, c'est ça qui dit. C'est bah, moi, c'est. Et voilà, et moi, c'est ouais, pareil. Ouais, avec j'ai Clara. Exactement ça aussi c'est quand ça, j'ai c'est-à-dire faim. C'est-à-dire que quand on a faim, ouais. Et les deux en plus, on est insupportable ouais. Et on se lance des noms d'oiseaux. Ouais. Pi. Ouais, bah, pas plus tard qu'hier, je me suis vénère parce que j'avais faim. T'avais la dalle. Ah ouais. J'avais faim en fait et je, tu sais, fatiguée. Et tu sais, ce truc de ton corps, il a un besoin et tu dépends d'un autre facteur que de toi pour aller bouffer. Ça me rend ouf. Mais c'est comme pour dormir, enfin, tous les trucs, pour aller aux toilettes, enfin, tu sais, tous les besoins humains. Ouais. Si tu dépends d'un élément extérieur, et ben ça fait vriller. Ça a pas trop d'effet. Je te le fais pas dire. Ah oui, toi, ça non, parce que t'en as qui prennent sur, enfin, tu vois, qui arrivent à prendre. Je te le fais dire. Alors. Mais non, moi c'est... les. Mais c'est vrai que moi les. Alors pour le film Première Vacances avec Jonathan Cohen et Camille Chamou. Ah, il est super ce film. Non seulement il est super, d'ailleurs il est en sur iTunes et compagnie si vous voulez le voir. Mais ça, tu viens de gerber, Adrien, pendant une pas promo. Ça, ça te dérange pas, c'est dégueulasse. Je suis gâteau du micro, enfin. Oui, mais roté, je comprends pas, c'est pas si gênant parce qu'il y a pas l'odeur de merde qui va avec. Mais ah, si, c'est rien. La pire odeur, c'est mais l'odeur non. de ce que t'as bouffé, ça. C'est tout. Horrible. Arrête. Et donc, ce film m'a prouvé qu'effectivement. Mais aussi, vraiment... c'est l'odeur de ce que t'as bouffé, non. juste beaucoup plus tard. Et en gros, dans ce film, il y a quelqu'un qui. Genre, c'est le mec, il aime les vacances reposantes et. Enfin, tu vois, dans des beaux hôtels et machin. Et elle aime. Aller genre voyager dans des trucs un peu genre marcher souvent ça, un hein. peu ghetto machin et tout. Et donc clairement on a ça aussi. Ouais. Avec et... le reproche de tu m'as emmené là. Bah et du coup on est allé aux Philippines qui est en fait complètement le pays où t'as les deux, c'est-à-dire des hôtels Qui kiffe les hôtels? Hein? Toi t'es hôtel et elle très... et toi t'aimes bien marouder. Et Clara elle aime On a pas trop de temps, faut qu'on visite quoi. Ouais. Voilà. Donc, d'accord. Donc façon polie de dire relou, voilà. Et donc, on va dans des hôtels plutôt cool, franchement, assez sympa. Ouais. Et on a eu une engueulade, mais d'un pathétique. Mais moi, elle me fait encore rire cette engueulade, alors que sur le moment, mais c'était pour moi la pire qu'on ait eue. C'est-à-dire que donc fin de première semaine, truc comme ça. Mais je me rappelle plus. On marche, non, si tu vas voir, il va y avoir des mots clés qui vont te raviver la flamme. On va pour faire je sais plus quoi, et donc j'oublie les, on se dit viens, on y va en scout. Donc on commence à marcher vers le scout et après Clara dit ouais sinon on se balade en fait, il fait beau machin, on peut marcher. Et moi je fais d'accord, bon, et déjà je suis déjà très haut par rapport à le truc pas si ouf, à savoir en fait on avait prévu de prendre le scooter et maintenant on va marcher. Mais déjà ça m'énerve, alors bon c'est pas ouf. Non mais je comprends. Ah ouais moi aussi je comprends. Et donc on commence à marcher et je ronchonne un peu et il commence à faire, il y a un nuage qui passe, qui arrive, il commence à assombrir un peu. Et là, Clara fait ah oui, non, mais par contre, s'il pleut, on y va en scooter. Je fais bon, allez, ça m'énerve. Et je fais ce truc ridicule de balancer mon sac à dos. Genre, ah le sac à dos, la dos de merde. Je me souviens, mon dieu. Je balance le sac à dos, je fais oui, bon, bah merde. Et là, Clara me fait bon, bah, enfin. T'as pas ri ? Bah, moi, c'est je me casse. Génial. Voilà, fait oui, non, bah, dans ces conditions, c'est inintéressant en total. Donc, tu rentres à l'hôtel, je crois ? Ah non, non, je vais en ville. Toute seule ? Non, c'est moi qui vais aller en ville à pied. Ah non ! Alors, Flo, attends, pardon, tu m'as rattrapé. Non, on parle pas du seul. Même. Moi je suis. Chaque vacances. Non, parce que c'est peut-être c'est l'enfer. Plusieurs fois. Mais non, moi je balance le sac et je fais bon, bah, vas-y, je me casse. Et donc je me casse sans le sac et je marche à pied. Problème. Tu n'as pas les clés. Dans le sac, il y a absolument tout. Oui. C'est-à-dire qu'il y a mon portefeuille, mes clés. Et ma carte d'identité, enfin voilà, je n'ai rien sur moi. Et le portable. Donc je suis injoignable. Je m'en rends compte extrêmement tôt. Vraiment, à peu près avoir balancé le sac, je fais 10 pas et je m'en rends compte. Sauf que je me vois pas faire ta du fierté. Et faire, et bah, je prends le portable quand même et repartir. Donc je marche en sachant que j'ai rien. Et je marche et je commence à me faire chier très vite parce que je marche tout seul. Là, il commence à pleuvoir parce qu'il y avait effectivement un nuage, donc machin. Et je marche et je marche et je marche. Et en fait, à chaque fois, c'est une baston dans ma tête de est-ce que je rentre là ? Ou est-ce que c'est un peu tôt et un peu nul, faudrait qu'elle s'inquiète un peu comme ça. Mais sauf que t'as rien, t'as pas de portable, donc en plus elle peut pas t'envoyer de texto rien. Et ça a été, je sais même plus. Du coup j'ai fait demi-tour, sauf que t'étais parti. Elle est pas restée à l'hôtel. Donc j'arrive à l'hôtel et y a personne, j'ai toujours pas de portable. Sauf que là elle est partie, donc du coup je sais pas où elle est et j'ai pas de portable. Donc là ça commence à devenir un petit peu inquiétant, parce que c'est grand les Philippines en fait, tu vois. Et du coup comment s'est retrouvé, je me souviens même plus au final. Bah t'es rentré comment on s'est retrouvé. Mais on s'est retrouvé dans un resto en gros. Je t'ai attendu hyper longtemps. Je me souviens plus. Je me souviens plus comment on s'est retrouvé. Et c'était bah très nul du coup, vraiment de A à Z. Mais après je crois que ça va, c'était notre pire je crois. Les engueulades. Mais tu vois ce truc de fierté à chier, de se dire là c'est un peu tôt. Là, moi je m'étais pris la tête avec des potes plutôt. C'est-à-dire le truc le plus roots que j'ai fait en voyage, je pense que c'est un mois en Colombie. Et bah c'était juste avant qu'on soit enfin signés tous les deux au Golden Show. Ah. Tu vois, c'était en 2011 machin. Bien sûr. En décembre 2011. Et en fait, on part. Signé. Ouais, signé. Genre, t'avais ta convention de stage et, ouais, j'avais mon SMIC. Ouais, en ça. Gros, c'était ça. C'est ça, les gros contrats. Les gros contrats de l'époque. Et en fait, j'étais partie un mois en Colombie, un peu du jour au lendemain. Et avec un pote à moi, enfin mon ancien coloc de mes études, et un couple de potes. Pote à lui quoi, donc je les connaissais app. Et en fait on arrive à Caracas parce que c'était moins cher et donc c'est au Venezuela, et il se trouve que j'ai traversé la frontière Venezuela Colombie sur un trafic d'essence. Bon, ça c'est une autre anecdote mais c'était très compliqué. Ouais. Il y a eu des checkpoints d'armée vénère, on a dû décharger les bidons d'essence, enfin c'était un truc mais un peu vénère sur Netflix qui arrive à la rentrée. Incroyable. Mais le truc d'embrouille, c'est que là bon c'était mon coloc, donc on se connaissait par cœur, on vivait ensemble, on a vécu ensemble pendant longtemps, donc tout allait bien. Mais le couple de potes, plus compliqué, et vu que c'était très route, c'était en mode hamac, tout petites auberges de jeunesse et compagnie, il y a eu un soir où en fait tout le temps on dormait dans des posadas, donc c'est dans des chambres d'hôtes où t'es à 4 dans une chambre. À un moment donné, d'être les uns sur les autres, c'est un enfer. Et surtout quand t'es un couple, moi je comprenais pas pourquoi ils prenaient pas à un moment donné une chambre tous les deux pour Ken, enfin tu vois ce que je veux dire. Et en fait un jour, moi j'étouffe parce que Ken, ils étaient en train de Ken devant toi, c'est ça qui te mettait mal. Bah, j'y viens. Non, j'y viens. Et en fait, il se trouve qu'on était à Cartagène, qui est une ville sublime par ailleurs, mais vraiment très très belle. Et je me balade toute seule et tout pour prendre l'air, j'en pouvais plus d'être avec des gens. Et je reviens à la chambre en me disant il faut que j'aille récupérer genre un paquet de clopes ou je sais plus trop quoi. J'entre dans la chambre et elle était en train de le pépon. Mais non. Je t'ai jamais raconté ça? Non. L'enfer. Mais quand tu parles de pépon, tu parles de sucer la bite. Et là, tu dis, en fait, il y a une limite à la promiscuité, comme ça qu'on dit. Et c'est la bite. C'est ça. Bah voilà, bah, c'est le non-partage des parties génitales sans consentement. Ouais, je sais pas, mais il y avait un truc, mais et ça, c'était vraiment, vraiment, ça m'a vraiment, vraiment très énervé à l'époque. Mais ce que tu dis est intéressant parce que moi, c'est l'inverse, je trouve. C'est que, enfin, il y a un truc un peu dit de quand il y a par exemple beaucoup de gens dans une maison. Et un peu genre, bah, les couples, il leur faut leur intimité. Et moi, maintenant que je suis en couple, je trouve ça trop bien. Mais à l'époque, bien sûr. Il y avait quand même un truc un peu de. Putain, c'est pas juste quoi. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu de. Bah, du coup, ils ont les meilleures chambres, les meilleurs trucs. Ouais. Mais moi, je ferais partie de ces couples-là qui disent on prend une chambre tout seul quoi. Maintenant que je. De toute façon, c'est un truc qui change à partir du moment où t'es en couple, hein, je crois. Parce que maintenant, moi, c'est vraiment ça. Et nous, on avait fait Nouvel An, dans la maison que vous aviez trouvée là avec Sarah, Clara. Petite chaumière de Blanche-Neige. C'est ça. Et premier soir, on nous laisse pas de chambre. Et tu sais, toi, tu viens d'arriver, donc t'oses pas trop rien dire. On a dormi dans un clic-clac avec. Elle était malade comme un chien. Et t'étais malade, ouais. Ah ouais. Et il y avait pas de. Et j'avais demandé à une personne de nous laisser le lit double. Et la personne a fait bah ouais, pas de soucis. Sauf que la personne est allée se coucher avant nous. Ouais. Et on arrive vers le lit et elle dort. Et bah, tu fais pas ce truc de. Enfin, moi je l'avais envie, hein, mais Clara me dit bah non, on va pas réveiller, non. Machin et tout. Bah, vraiment, j'avais à coup de pied, j'avais envie, mais c'est pas grave. Et donc on descend, on a le claque dans le froid et c'est à côté d'une fosse septique. De l'enfer, ça sentait la merde, ouais. Il faisait froid. Ça, y a pas dans Blanche-Neige, y a pas la fosse septique. Ça pue pas la merde. Et du coup, effectivement, j'ai dit à partir de maintenant, c'est impossible que je n'ai pas une excellente chambre réservée avec nos noms, des serviettes et un petit déj qui nous est amené. Ouais. C'est impossible que je parte. Mais de toute façon, les promiscuités, moi j'ai jamais été. C'est peut-être parce que j'ai pas fait de colo. Mais alors, partager des. Déjà, partir entre amis, moi, c'est un truc, j'avoue, ça m'excite pas du tout. Ouais, moi, il y a trop de gens à mettre d'accord et ça me stresse. Le seul moment trop. Où j'avais kiffé, moi, c'était avec vous à Montélimar, là. Ouais, bah oui. Mais parce que c'était méga bien organisé. Il y avait quelqu'un qui était là pour dire bon, bah, de telle heure à telle heure, il y a ce groupe-là qui fait à manger, machin. Mais sinon, déjà. Il y avait un peu zéro obligation d'activité aussi, ça, je trouve. Puis le problème, c'est vraiment, encore une fois, c'est la nourriture. Moi, quand j'ai faim. Je supporte pas de dépendre d'un groupe, ça me gaffe quoi. Ouais. Mais on était très nombreux, c'était obligé que ce soit organisé quoi. Ouais. Et ça c'était agréable quoi. Il suffit qu'il y en ait un qui se fasse deux œufs et t'en as quatre qui font genre ah cool, tu fais des œufs. Ah ouais, il vient te les piquer. Tu crois qu'il y a moyen que et en fait du coup tu te fais Moi toi Vanessa, t'as toujours été dans cette ambiance là, j'ai l'impression. Bah moi toi t'aimes bien Vanessa. Mais moi Mais toi, t'as vécu en coloc, t'as. Oui, oui, j'ai eu plein de copines. J'ai eu 18 cousins. Voilà. Et puis, il y a un truc. Ouais, j'adore faire à bouffer pour 15 personnes. Oui, quoi. C'est ce côté, je sais pas quoi. Maman poule. C'est la maman poule. Je donne le sein. Non, mais j'adore. En fait, ça fait partie de mes vacances et de mon repos à moi de me dire que je m'occupe de gens. De t'occuper des autres, ouais. Bah, moi, je veux bien si tu t'occupes de moi. Bah, t'es malade. Mais j'adore, en fait. En fait, j'adore voir les gens se détendre. Bah, oui. J'adore voir les gens manger. Ça se détend. Ce matin du petit-déj, on s'était rejoint. Moi, je ne dormais pas et toi, tu t'es élevé pour faire le petit-déj à tout le monde. Bah ouais, ouais, mais parce qu'en fait, j'adore voir les gens en vacances, en fait. C'est faux. On avait rangé tout le putain de réveillon ensemble. Moi, j'avais rangé. J'avais tout rangé le premier soir. Et ouais. C'est là où je suis vraiment une merde. Ouais. J'avais tout rangé le premier soir parce que j'avais dit comme ça, j'aurais pas rangé après le nouvel an. Bah, bien sûr. Super malin. Trop malin. Le nouvel an où ma mère est morte. Ah putain. Et du coup, t'as pas invité, tu vois. On s'est envoyé beaucoup de messages ce soir-là. Je vais rebondir. On passe à la nouvelle. Insolite, il est mort comment le mec? Non, j'ai reçu des questions d'invités. Déjà? Donc Adrien, tes parents. Non, Éléonore. Il y a beaucoup de questions sur Genre Humaine. Gros succès de ta chaîne Genre Humaine. J'aime tellement. T'as dit j'aime pas? J'aime tellement. Ah merci beaucoup. Mais j'aime pas moi. Mais oui. Merci beaucoup. T'es contente de le? Oui, je suis très contente. J'ai très envie d'en faire plein d'autres. Et là, incroyable. Je peux annoncer que j'ai eu le nouvelle aide au CNC. Ouais. Ouais. Merci. Mais du coup, on part en tournage que fin septembre. En fait, on se rend pas compte. C'est vrai que moi-même, je suis la première à pas me rendre compte. Parce que moi, dans ma tête, c'est j'écris le truc et je veux le tourner tout de suite. Bah, et là, maintenant, je passe par un système, donc par une prod, etc. Et donc, non, ça ne se passe pas comme j'ai envie que ça se passe. Parce qu'il faut. On veut faire un casting plus fat. On veut avoir un matos plus important. On veut prendre le temps. On veut faire une journée par épisode. Fou. Parce que jusqu'ici, on faisait deux épisodes par jour. Et ça, j'avoue, c'était un peu fatigant, ouais. Et surtout que la prise on l'a fait 8-9 fois, donc oui, ça, c'est des là où t'es à bout, l'épisode minutes, avec SML j'étais à bout, ouais. Donc voilà, donc trop cool, donc a priori pas de sortie avant octobre quoi. Et je n'étais pas à cette commission de CNC, je le dis, parce qu'après il y a le rapport dissident qui non, fait des vidéos sur moi. Non, c'est vrai que je n'étais pas, je sais pas qui est, alors je ne sais pas qui était là d'ailleurs. Non, en vrai, je sais pas non plus. Je sais que Justine aussi elle a une aide. Ouais, bah trop bien. Et donc ouais. Une question, c'était une belle session sur Genre Humaine du coup. Donc tu l'as dit, donc va y avoir une suite, enfin tu arrêtes pas ce format. En fait là il y a eu une saison, ouais, et il y a une deuxième saison qui c'est vraiment une sorte d'un gars une fille déprimant, j'aime beaucoup. il y a un peu ce truc là où tu c'est le un gars une fille de la vraie vie un peu, ouais. Mais c'est un compliment dans ma bouche, ouais, hein. Ouais. Je trouvais ça chambé, un gars une fille, parce que cette saison était beaucoup sur les relations, la saison 2 est beaucoup plus sur la famille. Ah bah beaucoup trop bien. Plus axé, ah oui, en plus c'est sur trop la bien famille. Si tu l'axes sur des thématiques, ouais. Et il y avait une question aussi sur Zérostérone. Les gens en fait en ont entendu parler, ils ont vu passer des teasers, des trucs, ils veulent savoir sur quelle plateforme ce sera disponible et si tu as une idée de date sur quand. J'ai aucune idée de date, c'est censé être sur ce sera sur Slash, oui. France TV Slash, mais on n'a aucune idée de date. Ça, c'est la production qui est en pourparler. D'accord. Donc, il y a un truc que tu contrôles pas du tout. Et Breakup, c'est sorti. Ouais, oui. Sur Pickle TV, mais j'en parle pas trop parce que, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un pilote. Et on a surtout utilisé ce système pour avoir un pilote. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vendre cette série. Oui, c'est cette en gros, série, c'est, tu l'as écrit avec Vladimir Rodionov, c'est ça? Oui. Voilà, et c'est en gros, vous avez divisé une sorte de 26 minutes en 10 épisodes, c'est ça à peu près, hein, Non, on a fait, c'est un épisode de 26 minutes qu'on d'accord. a dû couper en oui, deux. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce voilà, que je voulais dire. Excuse-moi, ouais, non, pour non, Pickle voilà, et parce que Pickle TV, c'est des séries courtes. Enfin, c'est des séries sur là, donc ouais. Du coup, mais c'était une on méthode a dû d'avoir couper. Un bel épisode. Ouais. Et après, t'es la seule personne de l'édition Série Mania de cette année. Ever, toute nationalité confondue. Non, mais je le dis, mais parce qu'en fait, c'est ouf. Avoir été sélectionnée par deux fois dans la sélection officielle pour deux séries dont elle est auteure et comédienne, qui c'est Zérostérone et Breakup. Et vraiment, t'es. Et on peut l'applaudir. Et c'est un énorme festival de séries européennes. Je représente la France. Et la c'est France, vraiment incroyable de voir sa gueule dans un énorme prospectus hyper important pour ce business-là. Mmh. L'avoir par deux fois dedans, c'est. Enfin, franchement, c'est chambé. Ouais. Bah, c'est un peu comme nous avec Groom. Ah non l'inverse. Vanessa Bria, quel souvenir gardes-tu du Golden Show? Ouh là là, putain, 35. Les tournantes, non, c'est faux. C'est faux. Alors, c'est terrible parce que il y en a 1000, et c'est nul, encore plus nul parce que je vais raconter celui que personne n'a vu puisque c'est le sketch interdit qui s'appelle Calan Noir. Bien sûr, bien sûr. Qui a été le sketch qu'on aurait dû diffuser à Japan Expo 2012. Ouais. C'est son anniversaire là d'ailleurs. Ouais. À Calan Noir parce qu'on aurait dû le diffuser. Ouais, on aurait dû, ouais, il y a 7 ans. Ouais, 7 ans. Et il se trouve qu'elle c'était un sketch qui, alors diffusé maintenant ça serait pas peut-être un petit près dans l'univers, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment cool et on a eu plein de guests. C'était notre final, enfin notre, c'était le final season du voilà Golden Show. Et il y avait vraiment beaucoup de gens, il y avait Dedo, Yacine, François Rollin, Jean-Christophe Ambert, Katsuni, De Cône, ouais. Putain, c'était ouf. Il y avait Gonzague aussi, non? Il y avait Gonzague, Greg et David du Palmachot. Pourquoi vous riez? Je sais pas. Pour rien, mais là j'ai envie d'un petit apéro tube en tout cas. Il jouait un peu. un postier. Il y a Maxime Muscat, Baptiste Larvert. J'en oublie, mais en tout cas, c'était trop bien. Et en fait, j'aime beaucoup ce souvenir-là parce que Florent et moi, on a beaucoup fait les décors, les costumes, trouver plein de choses, des calendriers, parce que c'était un sketch basé sur les calendriers. Et je pense que c'est ce qu'il y a en tout cas pour Florent et moi. Fait que après moi je suis partie moustache et Florent aussi, et c'est un peu été le truc qui nous a fait un peu switcher. Et en fait ouais voilà, bah c'est le petit pivot, le sketch pivot Golden Show, Golden Moustache Studio Bagel, qui fait que ça fait, c'était cool. Ouais, et puis il y a eu sur ce final là, enfin on peut le dire, il y a eu un, comment dire, il y a eu une succession d'émotions assez folles, ouais, sur toute la fin du, enfin fin, c'est pas vraiment une fin parce qu'après vous avez repris le Golden Show dans Golden Moustache, mais période en Kama. Le final du Golden Show, ça a été toute une histoire, puisque effectivement il y avait ce tournage de sketch sur plein de jours, où en fait c'était pas une, parce que le Golden Show, si vous vous souvenez, c'était une émission à sketch, et là l'idée c'était de faire un gros sketch. Il devait être diffusé à Japan Expo. Du coup, le final du Golden Show, avec les embrouilles qu'il y a pu avoir avec Ankama, fait que c'est pas diffusé à Japan Expo, mais genre 3 jours avant, un truc comme ça. Ouais, c'est clair. Et à côté de ça, il y a une conférence d'Alexandre Astier qui dit bah moi ça m'intéresse le Golden Show devant tout le monde, alors que c'est ultra blindax. Nous, je me souviendrai toujours, je faisais du montage pour Ankama dans une petite cabane de merde de Wakfu, vraiment tout petit. Et il y a Vanessa qui arrive en tronc, qui fait Yassier qui a dit qu'il voulait produire Poulpe et Davy. Enfin voilà, donc un bordel. Ouais, c'était ouf. Et tout l'été qu'il y a eu derrière à faire des pilotes, on en a parlé dans le podcast sur. Putain, comment il s'appelle, Real Player One, je crois, avec justement François et Davy. On est revenu sur cette histoire, on en parle pendant 3 heures, donc n'hésitez pas. Mais effectivement, moi je suis aussi un peu comme toi, cette période-là était assez. Bah c'était fou, et puis il se passait beaucoup de choses, quoi. On a vraiment appris un métier en un an, et même pas un an, hein, moi, même pas vrai, un ouais, an. Oui, bah non, en fait, en vrai, un peu avant, mais moi j'ai fait 3 Golden Show, en vrai, 3 Golden Show, et puis ils s'en vont. Adrien Méniel, la petite quoi truelle, quoi. J'ai envie de te parler, Adrien. Alors, ça revient, je vais pas te le refaire, de faire de la scène, de trucs comme ça. Bon, mais quelqu'un te demande, mais quelle serait la façon rêvée pour toi de faire un premier pas? Est-ce que un truc. Bon, non, il y a rien, quoi. Enfin, faut que t'aies l'envie, quoi. Bah non, parce que j'ai l'envie. Il faut que j'arrête de me chier dessus, quoi. C'est tout. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est même. Je me dis la même chose à chaque fois, quoi. Imaginons qu'un jour il y a un live podcast, ce serait peut-être un premier pas, peut-être. Oui, non, mais oui. Mais ce serait pas du stand-up, ce serait pas pareil. On a fait j'ai fait des trucs sur scène où j'ai pris la parole et j'ai fait des blagues et machin, etc. Donc c'était déjà une première étape, mais c'est pas pareil que d'être tout seul sur scène et de faire du stand-up, quoi. Mais oui, c'était déjà une étape, quoi. Éléonore, j'ai adoré la soupe. Ah, j'aurais. C'était rapide. Ah, pardon, t'allais continuer. Qu'est-ce qui ferait que tu le fasses, enfin, bah, c'était la question. Qu'est-ce qui un peu, me manque, c'est la question. Bah non, mais c'est ce que je dis. Il faut que j'arrête d'avoir la trouille, quoi. C'est tout. C'est une peur profonde qu'il a. Comme voilà. Bah, certains ont peur du vide. Je pense que c'est une peur à laquelle on peut facilement s'identifier, quand même, de pas vouloir prendre la parole sur scène. Non, mais surtout que toi, en plus, l'idée, c'est de faire du stand-up, enfin du vrai stand-up, quoi. Tu parles de trucs, tu vois. Je sais pas. Ouais. Faire des blagues, quoi. T'as déjà écrit plein de trucs. Mais ouais. Après, tout n'est pas bien. Tu veux dire que tu testes du matériel? Ouais, je teste du matériel. Mais t'as un petit 5 minutes. J'ai un petit 5 minutes. Ouais, alors je. Éléonore, j'ai adoré la soutenable légèreté de l'être. Ça commence toujours par des compliments, les petites questions. Oui, bah écoute. Plante-toi de ça. Est-ce que tu comptes faire d'autres bandes dessinées? Alors, est-ce que tu en as envie, en tout cas? Oui, mais normalement, enfin, je peux pas, j'en parle pas maintenant parce que j'ai peur que ça porte la poisse. Normalement, il y en a une deuxième là. En tout cas, il y a l'envie. Ouais, ce sera pas la suite, mais c'est autre chose. Avec Carensac encore. Ah, d'accord, donc Carensac qui était la dessinatrice de Soutenable. Clara Le Sage et Vanessa Bria, un peu les deux. On parle beaucoup des métiers artistiques de YouTube, à savoir écrire, réaliser, jouer, et on parle moins des trucs un peu plus techniques, et les gens ne pensent pas à l'importance de la production, sur des sketchs web, même si en vrai c'était de la télé web et tout. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer aux gens, c'est revenu plusieurs fois, expliquez-nous la production. Alors c'est très vaste expliquer la production, mais peut-être en quelques mots, en quoi consiste le métier de chacune. Toi, Clara, par exemple, les gens, ils ont pu te voir sur le making-of qu'avait réalisé Timothée Hochet. Oui, un tour au bagel, c'était. Vanessa et moi, on fait pas du tout le même métier. déjà. Vraiment... Ravi de l'apprendre. J'ai ri sur le côté pour pas gêner les gens par mon rire. Non, non, mais il y a plusieurs branches de dans la production. En fait, pour en fait, je vais vous dire ce que je dis à mes parents qui comprennent toujours pas vraiment mon métier aussi. Donc pour vous, tous les gogoles, comme dirait Clara. Non, pas du tout, mais pour simplifier plus. En plus, je me sens culpable. Mais non, non. En fait, moi, du coup, mon métier, c'est à partir du moment où Vanessa vend un concept à une chaîne, donc un programme crac-crac, par exemple. Du coup moi je suis la chef d'orchestre de ce programme et du coup en fait je fais en sorte que je puisse embaucher les équipes, trouver les décors, faire en sorte que tout marche et que tout rentre dans l'enveloppe qu'on m'a donnée. La valise de cash. Voilà, tout passe par le pognon, hein, de toute façon, ça on le sait. Mais non. Mais voilà, en gros, voilà, j'aime bien dire le chef d'orchestre parce que je trouve que les gens comprennent du coup image plus facilement mon métier. Ouais. Je t'imagine avec ton petit, tes petites bananes là. Eh bien, non mais Clara est un petit prodige de ce métier-là. Et elle sait, c'est très très très compliqué de justement d'harmoniser tous les postes d'un tournage parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'artisans, il y a plus de 80 métiers sur un plateau de cinéma ou d'audiovisuel et ça demande d'avoir des compétences dans chaque domaine d'activité, ça demande une capacité de management, ça demande plein de choses et ça demande en plus d'être fidèle à ce que le producteur ou productrice veut transmettre dans son émission. Et Clara, donc elle est vraiment tellement forte là-dedans. Et après, sur moi, le métier que j'exerce moi maintenant, qui est productrice, que j'apprends tous les jours parce que voilà. Les gens voient ça, je faisais la blague sur la valise de cash, mais c'est parce que les gens voient les producteurs, et je ne sais pas pourquoi, comme des gens qui fument des cigares et qui niquent des gens et ramènent du pognon, et c'est tragique. C'est, pour en fait, moi. Dès que des gens voient un film mauvais, souvent ils disent le réel c'est le producteur qui l'a sabré, des trucs comme ça. Il y a cette image très hollywoodienne c'est du producteur terrible. Qui empêche de faire c'est des choses, alors qu'en vrai, un bon producteur. C'est un allié de ouf. Voilà, est un allié de ouf. Et qui est pas débile, et c'est vrai que quand des fois j'entends genre j'ai un pote qui a trouvé un producteur, une productrice, ok ça se passe bien. Ouais, enfin bon, c'est une prod quoi, donc c'est un connard quoi. Mmh. Et tu fais en fait je ferais pas ce métier là tous les jours si j'étais juste, je me levais pour être une connasse, c'est un peu l'enfer. Et en fait, c'est au contraire un vrai travail entre le réal, les scénaristes, les équipes, tous les corps de métier, et c'est plutôt très créatif. Plus qu'être complètement financier, en fait, l'argent sert juste à mettre en œuvre des œuvres et pas à s'enrichir sur le dos des créateurs, quoi. Voilà. Et alors, je me permets de repréciser, vous êtes parti sur la télé, et ouais. Mais je pense que la question était plus aussi sur le côté internet. Oui. Qu'est-ce que ça change, en fait, de le faire sur internet? Est-ce que c'est plus compliqué ou au contraire, vu que c'est un petit peu plus la démerde, entre guillemets, ça pourrait être plus simple? Ou justement, est-ce que c'est peut-être, moi j'ai l'impression, pour donner mon avis, que justement c'est ça qui est fou, c'est que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que vu que c'est la démerde, ça peut être plus simple dans certains aspects, mais du coup c'est aussi beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve, et tu me dis si t'es d'accord, c'est les avantages et les inconvénients de l'artisanat, c'est-à-dire que ça donne énormément de liberté. Les gens suivent en général les scénarios des tournages internet parce qu'ils sont hyper motivés. Qu'on crée très vite des familles entre nous, donc c'est super, il y a une grosse motivation, il y a une grosse synergie et tout. L'inconvénient, c'est que c'est une façon de travailler qui est difficile parce que les gens font 35 casquettes à la fois et que normalement, mais après le normalement veut rien dire, mais ça ne se passe pas comme ça sur un tournage audiovisuel, et que d'endosser autant de responsabilités, autant de casquettes pour tout le monde rend service à l'œuvre et en même temps peut la desservir. Ça rend flexible et en même temps ça peut empêcher parfois de sentir en tout cas à l'aise et bien, que ce soit surtout pour les scénaristes ou les réalisateurs et les comédiens, et aussi pour les équipes. Oui, je suis d'accord. Et je trouve qu'en vieillissant, il y a un côté de genre. En fait, c'est une qualité d'avoir appris via le web, parce qu'effectivement il y a un côté de débrouille où t'apprends plus vite ton métier. Je pense que j'ai appris mon métier en 4 ans alors que normalement tu l'apprends en 10. Mais ce qui est un peu vrai de tous les corps de métier d'internet, après tu continues à c'est apprendre derrière évidemment, de ouf, mais il y a un truc, il y a un accélérateur qui est assez dingue. Vraiment. Mais il y a un côté hyper négatif aussi de tu prends des mauvaises habitudes qui normalement dans les vrais tournages de séries ou de films tu dois pas endosser tout ça et tu dois pas ça se fait pas comme ça en fait. Enfin il y a une charge mentale, on fait trop de corps de métier et en fait il y a des fois où on apprend mal en fait aussi beaucoup et du coup c'est intéressant parce que du coup on rapprend aussi, je pense que de toute façon d'apprendre sur internet sera toujours la meilleure école en vrai de vrai, parce qu'on te laisse ta chance et du coup tu peux te débrouiller mais c'est vrai que quand du coup tu es face à face à des chefs d'éco ou des chefs machinaux qui sont les vieux qui sont là depuis hyper longtemps, qui ont vraiment qui connaissent la convention collective par cœur, t'es souvent testé parce que du coup toi tu viens pas de leur milieu et il faut que tu te prouves x2 que t'es capable d'avoir ta place aussi avec eux en fait. Mais c'est drôle ce que tu dis, marche aussi sur plein d'autres corps de métier, je trouve. Quand je rencontre des producteurs pour le coup, il y a ce double côté de ça nous intéresse beaucoup parce que vous êtes jeunes et ça parle à plein de gens et c'est chambé, mais bon, vous êtes pas très pro quand même. Ça nous rend pas tout le temps service, c'est un peu compliqué. Je prends toujours l'exemple du film des Suricates qui sur le papier, le film est super et qui a eu beaucoup de gens l'ont kiffé et moi je le trouve très bien, mais d'un point de vue producteur, ils ont beaucoup vu ça comme vous savez pas faire des films, alors que sans prendre conscience que le budget était minuscule et que de toute façon c'était pas du tout le projet, que entre grosses guillemets ça fasse cinéma, l'idée c'était de raconter une histoire. Ils s'en foutent, ils voient le résultat, ils vont pas chercher et eux du coup ils ont certains producteurs, heureusement pas tous, ont juste vu un truc genre c'est pas pro quoi, c'est pas un vrai film quoi. Et du coup c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait on parle même pas forcément de la même chose, tu vois. Moi quand je vois sur les 4, évidemment qu'il y a pas des travelling de malades et des grues vu que ça a été fait pour zéro thune en très peu de temps. Mais du coup c'est très difficile d'expliquer, c'est délicat. Et moi mon gros défi sur Crac Crac, ça a été montré que ok je viens d'internet, mais si on me donne une latence fine, un volume d'argent qui fait que je peux embaucher effectivement tous les corps de métier pour fabriquer quelque chose, je suis capable de le faire. Comme quand j'ai été directrice des productions pour Black Pills, où en fait, on sait faire en fait tous les gens d'internet, on sait faire, on est capable de faire des séries. Simplement, on n'a jamais les budgets pour, mais on respecte énormément l'artisanat du cinéma où il y a des grosses équipes. Et le but, c'est pas de niquer ce business-là, ça a jamais été le cas. C'est simplement si nous aussi on pouvait avoir accès à ce genre de budget, ça serait super pour tout le monde, quoi. Très bien. On a dit plein de choses. Je refais un petit tour des questions. Mais c'est aussi pour ça qu'on est autant. C'est aussi autant important pour nous que des gens comme le Palma ou comme des gens qui sont un peu dans notre milieu aussi, soient les premiers à percer un truc pour que du coup on puisse nous avoir la chance de le manoir aussi, parce que moi j'ai adoré le manoir. En fait, c'est heureusement qu'il y a des gens qui sortent d'internet pour dire qu'on sait faire du cinéma, pour que du coup nous par la suite on puisse dire genre mais en fait ces gens là savent faire du cinéma maintenant mais du coup on peut le faire. Tu sais, je me permets de contredire, mais d'aller un peu contre toi. Non mais parce que moi je suis complètement d'accord avec toi. Non mais je suis complètement d'accord avec toi, mais bizarrement quand ça devient... va laisser tomber le sac. Non mais quand ça devient un succès, je trouve que le côté internet est un peu effacé. Moi quand le Palma Show qui a quand même fait beaucoup d'entrées, j'ai vu très peu de gens dire ah c'est internet qui débarque au Cinoche, alors que quand le manoir s'est planté, ils ont du mal à faire du Cinoche. Moi je prends toujours l'exemple des Kaira et des Gamins, donc les Gamins de Max Boublil et les Kaira de Franck Gastambide. On parle que de gens qui viennent d'internet. Les Gamins, c'est Anthony Marciano et Max Boublil. C'est eux qui faisaient tous les clips de Max Boublil sur YouTube. C'est des gens de YouTube, ils font un film et ça tonne car. Et il y a Shabba qui vient jouer dedans. Et voilà, les Kaira, c'était Kaira Shopping, c'était du pur web. C'est rien d'autre que du web. C'est vraiment des gens qui avaient une web série et qu'on fait un film adapté de cette web série. Et c'est un énorme succès. Et Gaston Bide, maintenant, il fait des films. Enfin, il fait Taxi 5, quoi. Donc, et jamais j'ai lu. Les Kaira, Internet débarque au cinéma et c'est un franc succès. Et c'est ça où je suis un peu. Alors, je suis peut-être aussi, vu que je suis pas très objectif sur le sujet, je suis peut-être un peu sensible sur le truc et du coup, ça me fait réagir. Mais j'ai toujours vu qu'il y avait j'ai toujours pris ça comme une certaine. Peut-être pas jusqu'à du mépris, mais en tout cas, un espèce de truc de. Si c'est un succès, je vois pas trop le côté web, quoi. Même un Norman qui remplit des zéniths et des zéniths, je trouve ça fou qu'on en parle pas plus, quoi. Enfin, c'est. Il remplit énormément Norman, tu vois, et autant qu'un, tu vois, après, je sais pas si c'est autant qu'un Kev Adams, mais il remplit énormément de salles, quoi. Et on parle plus du côté YouTube, je trouve ça toujours un peu bizarre, mais bon. Je suis d'accord avec ça. Adrien, Est-ce que créer un jeu de société pourrait t'exciter? Je te trouve toujours très très drôle à ce niveau, à jouer au jeu. Bon ouais, carrément ouais. Mais bah ouais, grave. Bah, moi j'adore les jeux. Voilà. Allez, vous le dites. Non mais vous disiez que vous détestiez les jeux de société. C'est un enfer. Ouais. Non, c'est génial. Alors qu'à ta droite, je peux te dire. Ah bah d'ailleurs, elle a créé un jeu. Elle a c'est fait vrai. Un jeu sur le cinéma qui était super. Elle a créé un jeu. Non ouais, grave, j'aimerais bien, mais ça, enfin, faut avoir la bonne idée et tout ça. Et puis c'est j'ai jamais fait ça quoi. Mais non, parce que les gens nous le demandent, parce que la personne qui me pose la question, je l'ai plus devant les yeux, mais citait les exemples de nombreux youtubeurs. Il y a eu plein de jeux de société en fait. Je savais pas, mais même Davy, on a fait. Pas youtubeur, mais. Non mais tu vois, Davy par exemple, il a fait un jeu. Oui. Et il a pas mis en avant le côté Davy Mourier. Je crois que c'est tout sur la mort. C'est la petite mort. Hein. Mais, non, il y a le jeu de la petite mort. Non, c'est énigmes mortelles. Les énigmes. Ah oui, oui. En gros, c'est les trucs des Darwin Awards, mais ils ont pas eu les droits de dire Darwin Awards, disait Davy. Non mais tu vois, bon, peut-être que voilà. Ah, si quelqu'un proposerait, tu dirais oui. Alors, s'il le faisait avec une telle faute de français, non, mais. Oh non, c'est terrible. Calache. Non mais c'est terrible. Mais je le remercie de me reprendre. C'est honteux. C'est honteux. Pardon, mais non. Ouais, carrément. Bah, après, je pense que j'aurais besoin peut-être d'être. Peut-être de l'aide de quelqu'un qui a déjà fait ça et tout. Parce que j'aurais envie de faire un. Ça serait quoi tes jeux, ouais? Je sais pas, mais en fait, moi j'ai pas le truc d'ego de me dire. Ce serait trop kiffant d'avoir mon jeu. Ce serait trop kiffant de faire un vrai bon jeu auquel les gens joueraient, quoi. Tu vois, c'est plus ça. Et donc du coup je pense mais je sais pas quel type de jeu faudrait que je voie les jeux que j'aime bien et bah les blind tests peut-être ouais non mais je veux dire Adrien est un tueur à gages de blind test. Ça sert à rien de jouer parce que dès que il y a une note il le trouve. Je vieillis, là ça va être fini les blind tests. Ah, tu voudrais pas faire le jeu de Shazam? Justement, ils avaient lancé ça à une époque. C'est Jimmy Fox qui présente ça aux États-Unis. En gros, ils mettent des chansons et tu dois trouver plus vite que l'application Shazam. Tu gagnes énormément de thunes. Je peux tester. Je peux tenter. Non mais non, je sais pas, j'aime bien les jeux moi genre concept. Le jeu concept s'appelle concept. Incroyable ce jeu. Ah, c'est des logos. Je sais pas ce que c'est. Ouais, j'avoue que celui-là j'aime bien aussi. Pas des idéogrammes. C'est pas ça. En fait, c'est dur à tu dois faire deviner un truc en plaçant des pions sur des pictogrammes, pictogrammes qui représentent des concepts, donc genre homme, femme, fiction, petit, grand, rond, machin, etc. Et tu places tes pions et les gens, en fonction de comment t'as placé tes pions, doivent deviner le truc. C'est un jeu d'association d'idées. C'est vraiment. C'est pas le jeu où t'es plus foufou en train de rire aux éclats et tout. C'est plus un truc où tu réfléchis, mais c'est. Mais c'est genre. C'est vraiment cool quoi. Avant, tu dis genre c'est un concept. Non, justement, tu le fais deviner aussi en plaçant tes trucs quoi. Mais ah ouais, c'est on y jouera. Je l'ai à la maison. Si par exemple tu dois faire deviner Astérix, tu mets un truc sur une bulle de BD. Tu mets homme fictif. Livre machin et donc tu dis ah ok donc c'est un et tu peux c'est faire déjà BD, et en fait tu peux compartimenter parce que t'as quatre couleurs différentes donc tu peux c'est un plateau bien fourni quoi. Voilà, non, c'est charmé. Sinon met crocodile cocktail Nouvelle-Orléans, tu sais que c'est le petit Grégory. C'est le petit Grégory. Bon bah voilà, non je crois que j'ai à peu près tout. Ah si, on me demande un jeu vidéo aussi évidemment, je kifferais. Faire un jeu vidéo. Mais moi j'aimerais bien même faire un point and click truc comme ça là un peu j'aimerais bien en faire un parce que en fait c'est facile d'en faire un tout seul maintenant, il y a plein de trucs qui permettent des moteurs de jeu pour le faire tout seul. J'aimerais bien faire un jeu mais vraiment qui se joue en je sais pas 20 minutes quoi. Juste une petite histoire et tout, je trouve ça trop bien. Mais bon, si t'as besoin de quelqu'un pour les cinématiques. Je sais pas si t'as besoin de coller sur mon front des points de tracking. Oui, okay. Ça marche. Je fais avec les petites vidéos réel player là, comme le jeu des guignols de l'info. Tu feras une voix. Ou si quelqu'un veut coder le jeu Floodcast, bah voilà, je lance l'appel. N'hésitez pas. Voilà. Évidemment, on le commercialisera et on se fera de la thune sur votre dos. Et Éléonore, si j'avais une question qui m'intéresse. Oh, oui, bah on a bientôt fini. La Éléonore. Compliment. Non, là pas des masses. Est-ce que tu as envie de faire du cinéma, tout simplement? Non. Non mais en tant que comédienne. Ça ne m'intéresse pas. C'est une question qui revient souvent. Non, mais ça intéresse les gens. C'est vraiment trop con, si. Sérieux. Non, mais en même temps, c'est pas si con. Parce que j'en avais très, très envie. Et c'est pour ça que j'avais arrêté le lycée à l'époque. C'était pour faire du cinéma et puis de la musique. Et puis finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui... T'es résigné. Non, mais aujourd'hui, c'est ce que je dis, il y a plus un truc pas du tout en mode j'ai revu mes trucs à la baisse, mes rêves à la baisse. C'est juste, il y a un truc de réalisme et de... Finalement, je suis très heureuse actuellement en créant j'ai un appartement et je peux payer un loyer, je peux manger, je peux partir en vacances. Enfin, je veux dire, j'ai une très belle vie. Enfin, je me sens très heureuse dans ma vie et je crée... au quotidien, donc évidemment ce serait super, mais ce serait plus un truc d'ego. Enfin voilà, après évidemment il y a des réalisateurs avec lesquels je rêve de travailler et tout, mais c'est vrai que le comme qui chiche il va te faire pisser dans une passoire, c'est sûr. Il va adapter cette histoire de pisser dans un film de 8 heures. C'est sûr. Un petit Antoniente. Fabien Antoniente. Non, et raconter ton une histoire de toi sur un long métrage, faire une longue histoire. Alors en revanche, faire mon long métrage. Ah bah voilà. Ah bah ça oui. Ah bah oui, ça c'est. Et bah voilà. Et j'adore le YouTube et ça me suffit. Ah non, mais je m'en fous. Pas de... du tout. Mais je m'en fous de où il est diffusé le long métrage, tu comprends. Je sais pas, une histoire de cinoche, c'est une histoire de long, un format long, évidemment. Le cinéma. On parle de l'artisanat du cinéma. Mais le cinéma, évidemment. C'est fini les salles, ça veut pas dire. Évidemment, pour répondre, oui, évidemment que ça donne envie. Moi j'aimerais trop voir un long métrage sur j'adore tes histoires avec ta sœur, tes parents et tout. Je trouverais ça fou qu'il y ait un... j'ai beaucoup aimé ta BD et je trouverais ça fou qu'il y ait un long métrage là-dessus, quoi. Merci Clara. Ça s'appelle c'est la vie est un long fleuve tranquille. Non, pourquoi tu dis ça? Mais tu pisses dans une passoire. Un dernier petit tour de table avant de se quitter sur les recommandations culturelles. Si vous avez apprécié quelque chose récemment, on peut dire série. Oui, bien sûr, tu peux dire ce que tu veux. Fleabag. Mais ça fait notre obsession avec Lolo depuis. Ah là là, mais tu l'as vu la dernière saison? Ah bah oui. Quelle putain. Quelle merde. Bah, incroyable. Moi, c'est ça que je veux faire. Incroyable. C'est ça que je veux faire, quoi. Il y avait Girls où j'étais subjuguée, mais là, on est dans un truc beaucoup plus réaliste. Et d'ailleurs, elle, Phoebe, je sais plus comment. Waller-Bridge. Parce que c'est elle qui écrit, c'est elle qui joue et tout. Ouais. Et bah, elle, son inspi, c'est Lena Dunham. Et je vois que t'as sa biographie de Lena. De Lena Dunham, ouais. Et j'adore cette autobiographie. Tu vas adorer, Vanessa. Mais je l'ai, mais en fait le truc c'est que Girls, je l'ai trouvé trop folle. Enfin, j'ai vu tout Girls, c'est trop irréaliste, c'est trop new-yorkais. Oui, mais ça touchait trop taré. Ça c'est vrai. Mais ça touchait à l'époque, c'était la première fois qu'il y avait une série qui touchait un truc aussi réel. Ouais, puis on sortait de Sex and the City qui est quand même la série qui m'angoissait de ouf. Là, on avait enfin des personnages réels, quoi. Non mais voilà, ça existait. Et mais Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag, c'est le degré au-dessus. Au-dessus de la meuf de 30 piges. Puis c'est l'humour anglais, c'est classe. Et c'est égalité de vice et de vertu, donc c'est un personnage féminin qui est une merde. Ouais. Et c'est cool qu'on n'ait pas que des rôles modèles où on a l'impression qu'en fait les filles c'est des combattantes et qu'on est Beyoncé. Et en fait c'est cool d'avoir une fille qui fait un peu des trucs merde, nulos, un peu perverse, un peu nulle. Ouais. Et c'est où tu es tellement humaine, quoi. Meilleure série. Mais regardez-la. Moi je vais vous conseiller un film qui s'intitule Booksmart, qui est disponible sur Netflix, mais dites-vous que il y a qu'en France où il est sorti sur Netflix, parce qu'en fait il est sorti au cinéma aux États-Unis, voilà. Ah, c'est fou. Ouais, qui est produit par Will Ferrell et Adam McKay, et qui est réalisé par Olivia Wilde, donc que des gens très stylés. Ça s'appelle Booksmart, et en gros, alors les gens le vendent beaucoup comme un super bad avec des filles, parce qu'en fait c'est l'histoire de deux nanas qui ont tout le temps révisé de ouf pour être pris dans des grandes écoles, et qui la veille de leur remise de diplôme se rend compte que même ceux qui ont rien branlé et qui faisaient que la teuf sont pris dans des écoles de ouf, et du coup elles sont en stress en se disant mais putain on n'a pas profité. Et donc la soirée avant la remise de diplôme, elles décident de faire n'importe quoi et d'être les meufs cool, quoi, parce qu'elles sont pas très cool. Et c'est un film très moderne, qui est très très drôle. Moi j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Il y a une petite baisse de rythme au milieu, mais franchement en termes de comédie je trouve ça génial. En fait, après ça peut agacer des gens, mais moi c'est complètement... J'adore ce genre de comédie en fait. Mais il y a des gens qui par exemple vont te dire tout le monde parle trop en punchline, enfin, ils sont tous très drôles, tous les personnages sont des ados très très marrants, mais du coup ils ont tous des super punchlines. Mais par contre c'est un film très moderne dans... la côté inclusif, par exemple, enfin ses deux potes, l'une des deux est lesbienne et a son un crush sur une fille, mais elle sait pas si la fille est lesbienne. Les deux actrices sont incroyables. Ouais, les deux actrices sont super. C'est Chelsea Barnard et Megan Ellison. Megan Ellison, j'aime beaucoup. Alors outre ce qui est quand même assez drôle, parce que c'est pour ça que les gens disent le super bad avec des filles, mais c'est la sœur de Jonah Hill. Mais surtout, elle jouait dans le film Lady Bird. Elle jouait la pote de l'héroïne. Super. Et j'adore Lady Bird. Ouais. Et elle était déjà super dans Lady Bird, très très très drôle. Ouais. Et là, elle est à crever de rire aussi. Et il y a plein aussi de gens qu'on adore qui font des petits rôles. Il y a Will Forte et Lisa Kudrow qui jouent les parents de la jeune fille lesbienne, et il y a Maya Rudolph aussi, il y a Jason Sudeikis qui joue le principal de leur lycée, enfin voilà, il y a plein de gens très marrants, et c'est vraiment un petit film. Il a coûté 6 millions, ce qui aux États-Unis est une pas petite somme, ouais. Et voilà, je trouve ça très drôle, donc voilà, n'hésitez pas, courez-y. C'est sur Netflix parce que la France ne l'a pas sorti en salle. Et en même temps, je trouve ça cool parce que moi, je fais partie de la génération qui a toujours galéré à voir les Will Ferrell, les machins, parce que la France le sortait sur 10 salles, faisait des espèces de et sorties techniques. Il y avait un côté trop chouette à galérer un peu. De quoi ? Il y avait un côté chouette, moi, je trouve, de galérer un peu. Complètement, mais je trouve ça encore plus chouette que ce soit disponible pour des gens qui peuvent le mater sur une plateforme de diffusion sans avoir à aller dans les nozes ou les caches converteurs. Ouais, mais il y a un truc un peu pourri gâté de consommation, maintenant ça vient. Enfin, c'est tellement cool. J'ai pas fait le score de la conne, mais c'était tellement génial le samedi d'aller dans le vidéoclub là et te louer ton petit film. Et te fouiller. J'avais pas de vidéoclub, je me rends pas compte, j'avais pas de ciné, pas de vidéoclub. C'est comme les pieds du tiers-monde, c'est tellement cool de marcher pour aller au puits et tout, alors que maintenant on a des robinets. Enfin, c'est vraiment. Je vais aller pisser. Dans une passoire, bien sûr. Moi j'ai deux trucs de sortie. Vas-y. Une qui, je sais pas quand c'est que tu vas mettre lundi, ok. Le 26 sort Family Business sur Netflix. Ah, je suis allée à l'avant-première. Moi aussi, hier soir. Jonathan m'a invité, c'est faux. Et en fait, c'est chambé. J'ai vu les trois premiers épisodes. C'est 6 fois 40 minutes de mémoire. Jonathan est super, vraiment évidemment. Super. Mais c'est super, mais objectivement chambé. Il y a Ali aussi que j'adore. Il y a, enfin non, c'est tout est très plein bien. De gens que je connais, que je trouve très fort, donc j'ai hâte de voir. Ouais, je m'attendais pas, enfin je savais pas à quoi m'attendre, mais là je m'attendais pas à ce soit comme ça quoi. Ouais. Branler comme ça en tout cas. Ouais. Et du coup, donc ça c'est vraiment super, vraiment vraiment trop bien. Et deuxième truc, Ludoc a réalisé un programme qui s'appelle Amateur, produit par Sarah Gélin. Bien sûr. Et qui est diffusé sur la chaîne de JQ France, qui est un programme qui suit Alban Pellegrin, qui est un candidat de Koh-Lanta sur deux éditions, qui est parti apprendre un sport dans un pays. En fait, le concept d'amateur, c'est un sport, un pays. Ils ont commencé par la Thaïlande et il a donc appris la boxe thaï en 7 jours et il a dû combattre un vrai combat de boxe thaï en 7 jours. On a fait l'avant-première il y a 2 jours aussi. C'est mortel, ça sort tous les jeudis sur la chaîne de JQ France. Ouais. C'est 4 épisodes de 15 minutes, c'est trop beau, incroyablement bien réalisé. Ouais, Ludoc a fait du très bon, c'est très hyper bon intéressant, c'est touchant, drôle. Alban est super. Et voilà, donc ça, full support pour ce programme. Ouais, foncez regarder Amateur parce que c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien et on a envie de le voir dans d'autres pays du coup maintenant. Oui, c'est ça, c'est là en fait la série est que sur son combat en Thaïlande, mais je sais que l'envie, pour connaître les gens qui sont derrière, l'envie c'est qu'ils découvrent en fait chaque plein de pays via le sport en fait. Oui, il va aller tabasser des gens dans tous les pays en fait. des gosses, enfin il va du coup, et ça franchement c'est excellent. C'est excellent. Devenu une arme blanche, donc c'est une grosse apologie de la violence et ça franchement ça manquait sur le web. Dans la saison 2, peut-être il poignarde un turc. Et voici mon histoire. Il a spoilé. Pas vraiment cool. Clara. C'est Breaking Bad en fait, pour moi. Alors, à mes yeux. Moi je conseille un livre peu connu des gens sur un petit sorcier qui va dans une école de magie. La meuf qui est en boucle. Putain. C'est Harry Potter. oui, tu connais. Je voulais dire l'autre truc et j'ai pas. C'est un des anneaux. Non, mais il y a un autre. Il y a une autre saga avec un sorcier là. Ah, Perry Jackson. Percy Jackson, voilà. Ouais. Ma blague. Non, mais si, parce que c'est moins bien. Mais la blague, tu demandes à la personne. Attends, je vais te faire une blague. Dis-moi le nom. Percy Jackson. C'est Percy Jackson ou pas ton truc. T'inquiète, c'est une blague. Non. C'est l'âge. Ah, c'est l'âge, désolé. Il y a 10 ans, j'aurais sorti Percy Jackson comme ça. Là, maintenant, je suis épuisé par la vie. Voilà. C'est moche. Donc non, je voulais pas parler d'Harry Potter, du coup, forcément. Alors, je sais que Flo en a parlé au Floodcast dernier, mais je suis obligée d'en parler parce que vraiment, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça au cinéma. Je suis allée voir Rocketman avec ma meilleure amie, qui est fan d'Elton John depuis qu'on se connaît, depuis le lycée. Elle me saoule avec Elton John. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anna Boule. Je l'appelle Anna Boule, mais elle s'appelle Annabelle. Eh bah, bonjour Anna Boule. Et du coup j'ai décidé d'y aller avec elle comme ça, parce que je me suis dit qu'on allait juste aller au ciné, mais vraiment sans attente de rien. Je suis sortie vraiment bouleversée, une claque. Et en fait, la claque qu'on aime dans les, ce qui fait que on, je... enfin, j'espère en tout cas, c'est ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait dans nos métiers. Il y a vraiment eu un truc de... Mais c'est parfait, ça m'a complètement touchée, j'ai trouvé ça super. Je trouve que le comédien, mais c'est copie conforme d'Elton John, alors que c'est le héros dans Kingsman. C'est Daniel Auteuil. Ah ouais. Ouais, non, il y a eu un petit taf de make-up hein, quand même. Ouais, est-ce que copie conforme Parce que de Lucie Aubrac à Elton John. Arrêtez. Il a l'accent marseillais pendant tout le truc, enfin bon bref. C'est magique. Alors non, il s'appelle comment déjà, Tyrone. Ah, tu me fais un piège. Bon, Tyrone. C'est copie comique, je rappelle. C'est le héros de Kingsman et attendez l'épreuve. Qui joue merveilleusement bien Elton John et en fait c'est un peu mêlé avec de la comédie musicale. C'est à une période de sa vie, donc ça c'est hyper intéressant parce que Elton John n'est pas mort. Beaucoup de gens se posent encore la question aujourd'hui. Il y a deux jours. C'est oui, Taron Egerton. Non, beaucoup de gens. C'est John Lennon qui est mort. Ouais, et les gens confondent. Oui, Elvis aussi. Oui. Ah bon, non, mais il y a John et les gens ils confondent parce qu'il y a le On et les gens. Non, mais Elton, beaucoup John, de gens. John Lennon. Ouais, je suis d'accord. Bah ouais, mais ils respectent rien. Bah, beaucoup de gens pensent à l'époque, que Elton John dans est... le vidéoclub, moi. Non mais en fait le problème avec les biopics, c'est que du coup on a l'impression que les artistes sont morts. Bah, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est non, rare. Mais c'est vrai, hein. c'est vrai. Donc non, Elton John n'est pas mort et du coup le film m'a vraiment bouleversée. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'y suis allée deux fois déjà. Elle a un t-shirt actuellement. Elle est allée le voir hier en concert aussi surtout. Rocketman, c'est un rapport avec la chanson Rocketman d'Elton John. Bien sûr. C'est une blague. Oui, je me doute. Ça serait une drôle de coïncidence. Mais ils ont fait, oh putain les gars, il a fait une chanson qui s'appelle comme le film. Et deuxième truc, pareil, je suis en train de regarder en ce moment une série qui est extrêmement connue sur OCS qui s'appelle Game of Thrones. Non, Big Little Lies. Big Little Lies. Ah là là, ça y est, tu regardes. C'est pareil, c'est très bien. Aïe, mais c'est un peu fou. En fait, c'est. C'est comme disait la comparaison. Alors, je vais dire un truc un peu fou. Jean-Marc Vallée. C'est un peu fou. Il se passe pas grand chose, mais il se passe quand même beaucoup de trucs. Et c'est sublime, c'est un Desperate Housewife en bien mieux, en tout cas. Très bien écrit et très bien produit. C'est beau, Reese Witherspoon, elle est incroyable. Elle est incroyable. Non, le casting meuf est fou, hein, parce que c'est Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoé Kravitz, Laura Dern, Balasco, ouais. Mais Daniel Auteuil aussi. Hein, ouais, il revient. Tous les deux là partout. Les mensonges, du coup, ils sont gros. Petit quoi. Parce que... Oui, alors on peut il pas brouille les pistes en fait. Mais ce serait te spoiler de ça te, serait te de dire le est-ce que le titre c'était juste Middle Liars. Middle Liars. Les gens ils étaient on pas peut pas te dire parce que du coup enfin d'accord vois, ouais OK. Ça va trop te raconter des trucs. Ouais. À vue de nez, je dirais qu'il y en a des gros et puis c'est un peu émietté de petits quoi. Non, mais le titre n'a rien à voir. On ne voudrait pas te dire de mensonges. Ni gros ni petit. Exactement. Non mais tenez la première carte. Saison. Ouais, c'est le dernier épisode est incroyable. Bah je l'attends, mais c'est un peu fou. Nicole Kidman, c'est fou, elle est tellement belle cette femme. C'est tout est vraiment très très bien. J'ai regardé, en plus j'ai pris OCS là. Ah bah, voilà. Ouais. Alors à toi, Je l'ai dit moi déjà. T'as dit quoi? J'ai dit c'est Fleabag. C'est vrai, oui. Une droite. Une vraie. Alors moi je vais tricher. Parce que j'avais rien. Je ne fais rien en ce moment. Je ne consomme plus de Et parce que tu travailles une cendre. Et donc je... un brochet. Non, c'est une appli, mais que j'ai pas encore. Je l'ai installée, mais je l'ai pas encore utilisée. Mais je trouve l'idée. Alors peut-être que tout le monde connaît. Peut-être que tout le monde connaît, mais tant pis. Je l'ai pas encore utilisé, mais bon, le concept est tellement bien que ça vaut le coup d'en parler. C'est Uber. C'est, voilà, bah, les deux fonctionnent. Non, ça s'appelle Be My Eyes. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Et en fait, c'est pour les personnes malvoyantes. Et en gros, elles peuvent. Donc, c'est. Elles se retrouvent dans une situation où le fait qu'elles sont malvoyantes leur pose une difficulté. Et du coup, elles utilisent l'appli. Et donc ça doit être extrêmement simplifié. Et donc en gros, d'un côté il y a les personnes malvoyantes qui s'inscrivent sur l'appli, et de l'autre côté il y a des personnes bénévoles qui s'inscrivent. Et en gros, les personnes malvoyantes peuvent demander l'aide de quelqu'un, et ça appelle plusieurs bénévoles en même temps. Et en gros, le premier qui décroche, en fait, t'es en relation avec la personne, et elle filme devant elle, et elle dit décrivez-moi ce qu'il y a devant moi. Et donc toi t'es au téléphone avec la personne et tu dois lui décrire avec le plus de détails possible. Bah il y a ça machin nanana, il y a écrit ça à droite, il y a dans ça le stress, etc. Dans les stress, t'imagines en face de toi. Alors, y a moi... un tueur et tout, et tu dois décrire. Bah là vous allez mourir. Putain mais... elle est direct en Black Mirror. Alors, ça non, c'est sûr, évidemment. Ça c'est une scénariste. Ça inspire direct un épisode. Ouais c'est clair. Mais je trouve l'idée trop bien. Ouais, enfin, tu l'as vraiment... fait du coup, tu t'es inscrit. Bah je me suis inscrit mais j'ai eu un appel et j'ai paniqué. En fait je pensais que c'était par texte en fait que tu. En fait, je par pensais. Texte, l'animateur. Je crois que c'était texte avec quel truc. Donc, je me suis dit, je vais lui donner un coup de pouce. Il galère. C'est bizarre que ça puisse paraître. Le cousin Mister V, on le rappelle. Non, mais je. Oui. Non, en fait, je pensais que c'était des gens qui prenaient une photo et toi, tu leur disais, il s'agit de nanana par texte. Mais tu en fait, non. C'est en live et ça t'appelle. Et moi, je suis un peu phobique du téléphone. Donc, je me suis un peu chié dessus. Je fais, oh putain, ça appelle. Et donc, je me suis dit. Un jour, parce que du coup je me la suis raconté, j'ai dit non mais je parle anglais, français, pas de problème et tout. Quand j'ai vu que c'était à l'oral, j'ai tout de suite enlevé anglais. J'ai dit on va déjà essayer de répondre à des appels en français. Mais non, je l'ai pas fait encore, mais je voulais en parler parce que l'idée est vraiment super. Ah, c'est trop bien. Be my eyes. Trop bien. Soyez mes yeux, par pitié. Moi je conclue vite fait sur cette émission un peu longue, désolé Léonore, tu te liquéfies sur ta chaise. Dans une passoire. Non mais c'est nous, l'émission est un peu longue. Je voulais juste terminer sur deux petits trucs. Il y a l'application Magellan qui fournit des podcasts sur une appli où il faut s'inscrire. Dans l'idée, je suis pas contre. On est bien sur Spotify, hein, qui est une entreprise qui prend nos podcasts pour alors qu'il faut s'inscrire et avoir de la pub et tout ça. Mais voilà, ils nous avaient contacté et on n'avait pas dit oui en fait. Et les podcasts sont disponibles. Donc voilà, si vous écoutez sur Magellan, sachez qu'on va bientôt disparaître et qu'il faudra nous écouter plutôt sur iTunes, SoundCloud ou Spotify. Moi, j'avoue que j'aime. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est. Donc ou n'importe quelle appli de podcast. Ou n'importe quelle appli. Là, en l'occurrence, Magellan, ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est. Bah voilà, c'est, tu es obligé de t'inscrire pour les écouter. Donc en fait, ça devient une espèce de monnaie pour t'inscrire sur leur site sur lequel il y a de la publicité. Donc c'est une façon d'utiliser ce qu'on fait qui est pas la plus kiffante. En tout cas, enfin, tout le monde, nous, qui a pas. Nous, n'a jamais été fait pour ça. Je vous rappelle c'est, que ça. C'est eux qui proposent du contenu payant, non? C'est possible, c'est fiction audio. Oui, c'est ça, avec Darvor, je crois. Il y a Darvor qui raconte des trucs. Pardon. Oui, c'est l'ancien PDG de Radio France ou je sais pas quoi. Non, mais encore une fois, moi je suis pas contre sur le principe, juste pas pour nous, parce que nous vraiment on n'est pas un podcast qui essayons de générer de l'argent sur quoi que ce soit. Je le répète un peu souvent comme un vieil anard de gauche, mais c'est vrai que on fait pas de placement de produits, on n'a pas de Tipeee, on n'a pas de Patreon. On a, voilà, l'idée c'est pas de gagner forcément de l'argent. Avec ce podcast pour le moment, on n'a pas de sponsor, rien. Donc voilà, si vous nous écoutez sur Magellan, on va bientôt disparaître. Et Spotify, c'est un peu le même principe, donc vous pourriez dire que c'est un peu ironique. Mais Spotify nous l'a tellement demandé qu'effectivement on l'a fait, mais par exemple on n'est pas sur Deezer. Donc voilà, ça c'était ça. Et j'avais autre chose, oui, on avait fait, donc on a enregistré le Pixar, l'épisode spécial sur Pixar. Et comme un bon floodcast, comme deux floodcasts par an, eh bien l'enregistrement a foiré, bien évidemment. Ah, un merde. Bon 3 heures dans le cul. Donc cette émission ne sortira donc pas. Je pense qu'on la réenregistrera quand l'actu Pixar reviendra. Donc là j'ai vu qu'ils en ont un nouveau l'année prochaine, donc on en refera à ce moment là avec la même équipe. Mais donc là c'est comme d'hab, il faut cicatriser un peu. Mais une bonne nouvelle cachée derrière, on va refaire le spécial Spider-Man qui était une autre foirade qu'on avait eu. De toute façon, dès qu'on n'a pas Adrien, on a l'œil, hein, de toute façon. Ah, voilà. C'est le gris-gris. Non, je... oui, le d'amour, gris-gris, oui. C'est un gris-gris d'amour. Docteur gris-gris. Non, oui. Donc, on va refaire le Spider-Man avec Joe et Ben aux alentours de la sortie du nouveau Spider-Man qui est début juillet. Donc, voilà, celui-là qui n'était pas dispo, on va le réenregistrer parce que vous l'avez beaucoup demandé en plus, donc ça tombe bien. Et Into le Pixar. The Spider-Verse. Non, oui, enfin, on en parlera aussi, mais c'est pas le titre. De... C'est le titre qui a la meilleure. Pardon. Il a la meilleure tagline, le nouveau Spider-Man, parce qu'ils te disent le film après Avengers Endgame. Tu fais oui, c'est vrai. Et c'est, ah ouais. Non, mais genre, c'est le, genre une citation de journal. Tu fais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le film après. C'est très factuel. Mais genre, c'est LCI.fr. Genre, c'est un vrai journal. Ils citent un journal en disant oui, c'est le film d'après, effectivement. Un film de 2h11. Ah ouais, ok. Bonne info à fournir. Donc voilà, bon, alors je vous souhaite une très bonne journée, une très belle vie. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et puis voilà, je pense qu'on va en faire. Donc il y aura le Spider-Man et peut-être un ou deux épisodes. Et puis après, on va prendre des petites vacances. Est-ce qu'on pourra refaire un Harry Potter ? Bah non. Mais il y aura d'autres sorties. JK, elle a prévu 5 Animaux Fantastiques. Bah, on verra. Dire. Mais j'y serai là. Mais cette fois-ci, il y aura Adrien. Ouais, il y aura Adrien. Mais il y aura pas moi d'ailleurs, il y aura que Adrien. Tu connais pas. Ah ouais ? Non. Croutard. Oui. Bah, Croutard, depuis le début, c'était Peter Pettigrew. Bah, je t'ai tué, je connais Harry Potter. Okay. Dernier petit tour, Eleanor Cosse, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment ou très bientôt? Sur YouTube, sur ma chaîne Eleanor Cosse, et puis sur Instagram où j'officie de temps en temps. Mais oui, elle fait des stories où elle boude. Je fais des petites stories. Clara Le Sage? Bah, nulle part, hein, sur la page Ravenclaw avec Adrien. Exact, c'est vrai que je suis serre d'aigle. Oui. Adrien Miel? Écoute, les floodcasts. Ouais, c'est vrai. Et puis. T'avais ton projet de podcast, t'en es où? Ouais. Ok. C'est comme la scène. Non, mais sinon, là, je. Ravenclaw. Parce qu'apparemment, c'est annoncé, on peut en parler. Je tourne dans une série qui s'appelle Derby Girl. Oh! Qui va sortir. Avec, entre autres, mais je la cite elle parce que c'est ma pote Sophie Marie, la Rouille, qui joue dedans aussi. Et on s'est galoché d'ailleurs. Allez. Oh, ah là là, t'as bandé de la gueule. Alors, baiser là. C'était vraiment dur là. Ouais. Ouais, je vous montrerai une vidéo de ta queue, de ma queue, si vous voulez. Allez, flash. Non mais voilà, donc voilà. Donc quand ça sortira, vous me verrez là-dedans. Tu as fait le bruit d'une porte qui s'ouvre doucement. Ouais. Et Vanessa Bria? À la rentrée sur Canal+, pour des surprises. Oh, c'était... Wow, pas le droit de le dire. Du moi teasing, je vais dire parce que je sais. Il y a le truc. Non, Adrien. Et voilà. Toi, Flo? Bah moi, pas. Pareil, hein. En vacances, en short, sur une plage en Sicile. Non, là, bah y a toujours Pitch avec Baptiste Le Caplin qui sort de temps à autre. Et on travaille avec Adrien sur un truc en ce moment. Et on travaille aussi avec quoi? Avec qui d'autre? Enfin voilà, il y a des trucs, ça écrit beaucoup en avec ce moment. Avec moi aussi. Il y a deux trucs qu'on fait ensemble. J'ai l'impression que tout est un peu secret finalement. C'est surtout que si ça se fait pas, c'est honteux. Ouais. Donc, donc voilà, donc je le dis pas. Mais en tout cas, effectivement, de l'écrire. De toute façon, j'avais prévenu en 2018, j'avais dit 2019, c'est plutôt l'année où j'écris, hein, visiblement. Je vais donc, le dire. Non, le dis pas. Et bien, au revoir tout le monde. Salut, ciao. Au revoir. Merci.